êtes assis. 89.1. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui, Assemblage Reiki. Sébastien Guertin approfondira un grand sujet de l'actualité dans son bulletin Guertin et Frédéric Bernard nous tissera une toile sur Internet dans son segment Google Globe. Assemblage Reiki commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage Reiki en ce mercredi 20 janvier 2016, 97 jours à la fin de l'année scolaire 2015-2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Hola! Hola! Hola! C'est sur notre chanson thème originale de Valès Pariétaire qui commence l'émission d'aujourd'hui, la saveur classique. Mm-hmm. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu la version classique. C'est vrai, ça fait longtemps. Voilà, on était parti sur un kick de faire la boucle de nos quatre nouvelles chansons thèmes. C'est vrai. La cinquième arrive, donc on va pouvoir se détimer un petit peu. On va arrêter d'avoir tout le temps la même chanson, le même jour. Mm-hmm. Tout le temps, là, on va détimer ça, c'est le fun. Ça va, Tania? Ça va très bien. Tu passes un beau matin? Ça va fatiguer, mais ça va bien. Oui, ben c'est ça. Plus l'hiver avance, plus on dirait que ça baille le matin. Mais oui, hein? Puis je suis sortie hier aussi, ici, à la Chasse-Galerie. Karaoké? Karaoké, soir de karaoké. Alors, je suis pas revenue très tard. J'ai pas abusé des bonnes choses de la nuit non plus. C'est quoi pour toi, pas très tard? Une heure du matin? Je suis arrivée chez moi, il était à peu près 2h05 du matin. 2h05, c'est pas tard pour toi? Non. Tu te lèves à 5h30. Je dois avouer que ce matin, j'ai repoussé le cadran jusqu'à 6h15. Wow! Je n'étais même pas encore sur le bord d'être réveillée à cette heure. Ouais, je suis persuadée que tu n'étais même pas réveillée à cette heure. Non, je me suis levée à 6h30. Mais t'as-tu vu mon visage comparé au tien? Il y a un petit peu plus de maquillage dessus. Ouais, c'est ça. C'est que... Ouais, malheureusement, si je mets du maquillage, ça paraît. C'est ça. Si tu connais du maquillage qui paraît pas, je suis bien ouvert. Ah, on devrait faire ça. Bien ouvert. Bref, parlons de l'émission d'aujourd'hui. En ce mercredi matin, on va voir à 8h Sébastien F. Guertin, ses collègues bulletin Guertin. Il nous parle, comme toujours, d'actualité, habituellement canadienne, mais sinon internationale, mais des gros événements. Des événements qu'on entend dans les médias, il les approfondit. Tu comprends? Il faut différencier maintenant nos chroniques d'actualité, parce qu'on en a trois. Hein? C'est vrai. À 8h30, on a Frédéric Bernard qui, lui, nous présente une chronique sur Google. Donc, il tape une petite question, essaie d'y répondre par cet engin de recherche magique qu'est Google. Donc, Google Globe à 8h30. On a aussi Tania Is Gonna Entertain You dans quelques instants. Qu'est-ce qui s'en vient, Tania? Mathieu, on va parler de choses sérieuses ce matin. Oh, elle se met les mains sur les hanches. Là, là, écoute-moi bien, petit gars, là. Reste quand tu des bras. C'est peut-être une nouvelle venue dans le monde de la science et dans le monde des femmes comme des hommes. Ouh, Jonas et Marimé. Ça, c'est pas scientifique. Ah, c'est de titre rumeur. Ah, d'accord. Mais... Science et homme-femme, d'accord. Ouais, il pourrait utiliser peut-être ce que je vais parler. On va faire ça dans quelques instants, mais avant, débutons avec Young Rival. Voici Interior Light. En passant, j'ai une petite note parlant de lumière intérieure. Il faudrait changer l'ampoule de la lampe torchère. Merci. S'il vous plaît, c'est marqué, s'il vous plaît, merci. Ouais, c'est marqué. Sur une note sur la console. Mm-hmm. Parce que la lampe dans le studio, bah, pas de l'ampoule. Ça marche pas. C'est ça. En hommage à ça, Interior Light de Young Rival. Assemblage Reiki. Yeah. Young Rival, Interior Light, à Assemblage Rookie. Je me demandais si vous voulez revenir sa chanson. J'ai absolument rien compris parce que j'avais mes écouteurs ben sur la tête et ça faisait comme... C'est un petit cocon, hein? C'est ça, un petit cocon. Parle de petit cocon, t'es une fille très confortable, je parle pas de ton intérieur. Non, j'espère pour toi! Voici Tania's Gonna Entertain! I make full of big gun, ah oui. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania! And she's gonna entertain ya! J'ai aimé, t'as fait le chorisme dessus. Oh, ah! Ah, wow! Hey, deux fois la version longue dans la même semaine, là, faut vraiment qu'on ait envie. Hey, c'est vrai, hein? Parle d'avoir envie, Tania. Ta chronique, Tania's Gonna Entertain Ya, tu nous parles d'un sujet varié à chaque jour. De quoi nous parles-tu aujourd'hui? Mon Dieu, hier, j'ai parlé du monde des textos, puis pourquoi est-ce que ça détruisait notre vie. Ce que j'ai appelé les relations textuelles. Exactement, ouais. Relations textuelles et non sexuelles. Ah, hey, tu vois les références. Tout à fait. Aujourd'hui, je vous parle de quelque chose complètement différent, mais peut-être qu'il pourrait révolutionner le monde à sa façon. Mathieu, est-ce qu'on te... on dirait que j'aime pas j'ai trop peur. Poser la question, mais t'as déjà été en relation de couple. Pendant 6 ans et demi. Et voilà. J'imagine que ta blonde, à un certain point, prenait la pilule contraceptive. Oui. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, qu'est-ce que ça ferait si ça serait moi qui prenais la pilule contraceptive? La pilule pour homme, la pilule mâle, tant mythique. Là. On entend souvent parler d'une pilule contraceptive pour gars et d'une pilule du lendemain pour homme. Attends. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Parce qu'on le sait bien, la plupart du temps, ça va être les filles qui vont prendre la pilule contraceptive. Les gars, en théorie, je dis bien théorie, sont censés se protéger avec un condom. Ouais. Ou rendu à un certain âge, ils vont tout simplement... Chop. C'est ça, décider de faire une vasectomie, voilà. Comme l'on appelle ça. Là, nouveau prénom pour 2016, macaroni. D'ailleurs, vasectomie. Oui, tout à fait. Eh bien, est-ce que tu savais qu'aux États-Unis... Il y a seulement 17,5% des femmes âgées entre 15 et 44 ans qui prennent cette pilule contraceptive-là. Combien? Seulement 17,5. Ben, je sais que l'éponge est bien populaire, puis il y a plein d'autres façons de contraceptive. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs autres façons contraceptives, en effet. Mais la pilule, c'est tellement plus simple qu'un peu importe squasiaphragme stérilé. Ça pourrait être un autre débat, ça, là, à savoir si c'est vraiment plus facile. Ben, on peut en parler. On peut en parler parce que en fait, c'est... C'est vraiment difficile de parfois toujours penser de la prendre à la même heure. Ouais, comme oui. Si tu fais quelque chose. Et si je me rappelle, mon ex, c'était si elle apprenait pas à 10h le soir, c'était vraiment dramatique. Oui, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment comme c'était comme des horloges dans leur cycle. Mais. Ça la résume bien, oui. Les hommes n'ont pas cette espèce de cycle-là. Donc, que d'amener la pilule contraceptive, est-ce que ça pourrait pas amener quelque chose de bien? Peut-être. Hmm. Au moins l'égalité des sexes. Au moins, ça serait déjà une bonne affaire. Oui. Il y a une étude japonaise à l'université d'Osaka qui a déjà été produite. En fait, c'est comme une étude qui a mal viré et c'est comme ça qu'on a découvert qu'on pourrait peut-être avoir la pilule contraceptive pour hommes. Ah. En fait, c'était une pilule sur le rejet des greffes. Si on avait un membre greffé ou quelque chose d'interne, un organe greffé... Comme on dit, un cousin de la fesse gauche. Oui, c'est ça, exactement. Il était en train de procéder à une certaine étude à savoir si le corps allait conserver cet organe-là et quelles étaient les statistiques et blablabla. Mais ils ont réalisé avec cette fameuse étude-là, fouille-moi comment ils sont arrivés à ça, mais ils ont réalisé que, mon Dieu, on pourrait peut-être faire la même chose, mais avec une pilule contraceptive masculine. Hmm. Et là, comme tu le dis, ça viendrait amener l'espèce d'égalité des sexes. Mais aussi, j'ai comme l'impression que ça ferait prendre conscience à certains hommes sur cette terre que, excuse-moi, c'est beau me dire que je pourrais à la pilule, mais t'as autant de responsabilités que moi. Ben, c'est ça l'affaire, parce que, tu sais, je pense que c'est peut-être une des raisons que bien des filles sont plus responsables que les gars, c'est qu'elles ont été accoutumées, hein, à prendre une pilule à chaque jour, à la même heure, tout le temps, pareil, avec une alarme, tout mm-hmm. ça. Moi, j'ai de la misère, tu sais, j'ai une pilule pour les allergies. Oui. Je dois la prendre à tous les jours, à la même heure, si je veux que l'effet dure. Ça m'arrive fréquemment d'en sauter une, ça m'arrive ben, fréquemment d'en prendre 8 heures en retard, parce que je sais pas dans ma façon de faire, parce que j'ai jamais eu à le faire avant d'être régulier sur quelque chose. Et voilà. Même chose avec les filles et leur pilule contraceptive. Ouais. Il y a aussi cette fameuse, je veux pas dire, situation compliquée où parfois les gars, on le sait, le seul moyen contraceptif des gars, c'est d'utiliser le condom. Ouais. Mais ça arrive assez fréquemment que certains hommes de cette planète vont faire comme... Non. Ben, ces gars-là, sais-tu quoi? Next. Exactement. Premièrement. Excuse, et deuxièmement, messieurs, veuillez simplement prendre en considération que c'est pas parce que je prends la pilule que ça me dit pas que ton pinceau a été trempé ailleurs et qu'il est propre. Douchebag City. Et voilà. J'aime bien la petite transition. Je sais pas de où ça vient. Oui. Mais c'est vrai, parce qu'en fait, il faut le dire, ça n'a pas tout le temps été très bien expliqué aux jeunes. Tu sais, comme il y avait ces cours de sexualité-là, un petit peu quand on était plus jeune. J'ai comme l'impression qu'à un certain moment donné, ça a comme peut-être été échappé, ça, dans un cours, que d'expliquer aux gars que si tu l'utilises pas, ton fameux condom, c'est possible que tu attrapes une maladie transmise sexuellement pareil et que c'est pas la pilule qui va venir changer tout ça. Est-ce que tu me permets de blâmer mes parents aussi? Oui. D'accord. C'est fait. T'as le droit. Désolé, là, vous pouvez me dire ce que vous voulez, vous pouvez me lancer des roches, mais pour vrai, c'est parce que si c'est pas enseigné à l'école... Mais c'est parce que j'ai comme l'impression qu'il y a cette espèce de génération-là où les professeurs disaient « Mesdames, oubliez pas de prendre la pilule. Mesdames, oubliez pas de prendre la pilule. Ouais. Parce que sinon, vous allez tomber enceinte. Mesdames, oubliez pas de prendre... » Mais ça n'a jamais été vraiment dit du côté des gars. « Messieurs, oubliez pas le condom. » C'est la responsabilité de tous. C'est ça. Mm-hmm. Il faut l'avouer. C'est vraiment la responsabilité de tous. Alors, qu'est-ce que cette fameuse pilule contraceptive masculine-là va apporter? Mais en fait, c'est que... Ça pourrait apporter en quelque sorte parce qu'il y a plusieurs études qui sont faites. Il y en a au Japon, il y en a aux États-Unis et il y en a aussi en Europe présentement parce qu'on cherche vraiment à pouvoir amener ça sur le marché de façon très, très, ben pas très, très rapide, mais le plus rapidement possible pour justement pouvoir voir si ça fonctionne. Ben oui. Et évidemment, pour pouvoir peut-être donner un petit peu de lousse du côté des femmes. Et voir avec le temps, comme les thalidomides dans le temps, si ça fait des répercussions physiques sur l'enfant plus tard. Peut-être. Genre avec les mains au coude. Ça arrive, ça. C'est vrai. C'est vrai. C'est à cause de médicaments dans les années, peu importe. Ben oui. Ça arrive. Premièrement, il faut savoir que vous, messieurs, produisez deux hormones. La première qui est le FSH. Là, j'irai pas dans les mots vraiment compliqués. On va y aller comme ça oui, ce matin. Oui, le FISH. Appelons-le FISH. Appelons-le FISH. Et le LH. Et c'est, en théorie, ce qui produit la production de spermatozoïdes qui fait en sorte que vous allez pouvoir aller... féconder l'ovule d'une chère dame. Alors, en fait, qu'est-ce que va amener cette fameuse pilule contraceptive masculine-là? C'est qu'elle apporte de la testostérone en excès pour vraiment venir diminuer la production de ces hormones-là. Et c'est ce qui ferait en sorte que là, on aurait comme un ralentissement de tout ce qui est dans vos organes génitaux masculins et qui viendrait vraiment créer cet effet contraceptif-là chez l'homme. Ce serait le contraire de l'hyperdrive dans Star Wars, le fécond millénaire. Oui, ça, tu pourrais voir ça comme ça si tu le désires. Je me suis dépêché de moucher pour pouvoir insérer cette blague-là, sois donc fier. Ben oui, OK. Et comme en fait, aux États-Unis, présentement, ils sont en train de regarder une piste à savoir, OK, mais comment est-ce qu'on va arriver à diminuer cette production d'hormones-là? C'est vraiment d'y aller avec des très, très gros excès de testostérone dans le corps. Alors, cette fameuse pilule-là, elle vous amènerait de la testostérone de façon assez... Comme en grand. Comme en format géant, comme la table ronde, sauf que c'est la testostérone, puis t'as des petites montagnes. Exactement. Voilà. Par contre, présentement, ce qu'on réalise, c'est que oui, ça a des effets secondaires, parce que bien évidemment, cette fameuse pilule-là, comme je le disais, il y a des études un petit peu partout au monde qui sont en train d'être produites, et il y a une étude américaine qui a été nommée le JQ1. J'imagine que vous pouvez chercher l'étude en tant que telle. Comme le magazine JQ? Oui. Y a-tu George Lewis à couvert ça? Okay. Vraiment J. JQ1. Vous pouvez chercher sur Internet si jamais vous voulez plus de détails par rapport à l'article même. Mais cette étude américaine-là, en fait, qu'est-ce qu'elle a amené à réaliser? C'est que vraiment, il y avait plusieurs effets secondaires à cette fameuse pilule-là. Mais messieurs, sachez qu'il y a aussi plusieurs effets secondaires à la pilule contraceptive féminine. Ah, et ça, on les voit moins parce que les filles, c'est pas du genre à se plaindre. Jamais. Non. Jamais. C'est vrai. Never. Je vous parlais que la pilule contraceptive masculine, en fait, ça serait d'apporter vraiment un taux de testostérone assez grand dans le système de l'homme pour justement venir diminuer la production de ces hormones-là. Eh bien, les effets secondaires qu'on pourrait en voir vraiment découler, c'est bien évidemment le gain de poids, ce qui arrive aussi du côté féminin lorsqu'on prend la pilule contraceptive. La dépression, ça aussi, c'est quelque chose parce qu'on vient jouer justement avec vos hormones. Oui. On vient jouer avec la testostérone. Donc, de ce côté-là, c'est sûr qu'il y a un balan à faire et c'est pas tout le monde qui va réagir à la pilule de la même façon. Ouais. Et il y a aussi l'infertilité à long terme. Ouf, OK, ça c'est assez majeur. Hein? Oui. Parce que, en fait, il faut savoir que d'apporter de la testostérone en excès, c'est un petit peu la même chose que les fameux bodybuilders qui prennent de la testostérone. Ouais. On le sait, il arrive parfois que des grosses doses de testostérone vont avoir des effets négatifs sur le fonctionnement de vos testicules, messieurs. Wow! C'est comme dans le temps de Galette EQS, l'émission testostérone, ça a enlevé c'est un petit peu de cerveau. Pareil. Ouais, pareil. Pareil. Mike Ward. Oui. Ouais. Donc, en fait, vous pourriez malheureusement aboutir à une espèce d'effet contraceptif à long terme, ce que l'on veut pas nécessairement. Il y a d'autres études un petit peu partout ailleurs, dont au Japon, si je me souviens bien, qui sont en train, en fait, de réaliser que non, cet effet contraceptif-là, contrairement à la vasectomie, pourrait être, réversible. Okay. Donc, tu pourrais prendre la pilule, avoir ton taux d'hormones diminué et en fait, bien évidemment, le nombre de spermatozoïdes viendrait diminuer aussi et ça ferait comme une pilule contraceptive féminine. Mais en fait, ce qui est vraiment très bien, c'est que justement, contrairement à la vasectomie, c'est réversible. Si vous arrêtez de prendre la pilule après une semaine, en temps normal, votre taux de spermatozoïdes devrait recommencer à aller de façon normale. Mais la raison que tu arrêterais, ce serait que tu aurais des effets secondaires que tu veux pas? Bien non. Je pense plutôt que c'est si, exemple, vous essayez... d'avoir un enfant. D'avoir un enfant. OK. Ou si vous êtes rendu à un certain âge et vous n'avez plus de relations sexuelles. Ouais. Le mariage, hein? Ben moi, je pensais plus comme autour de la cinquantaine, soixantaine. Mais si tu y vas pour le mariage, puis que toi, tu penses que t'auras plus de... Tu sais, moi, le gag facile, hein? Mais oui, ça peut être ça aussi. En tout cas, on nommera pas de nom. Next! C'est ça. Il y a une étude, en fait, qui est en train d'être développée. C'est le Vasalgel. Hein? C'est développé aux États-Unis. Là, c'est pas vraiment une pilule contraceptive. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est un gel. Wow! Mais oui, évidemment, ça le dit, hein, Vasalgel. Comme vers Sarangel. Pareil. Mais là, vraiment, on va pas diminuer le taux de testostérone et d'hormones que vous avez dans le système. C'est vraiment d'arrêter cette fameuse production-là pour justement arrêter les spermatozoïdes d'être produits en tant que tels pendant un temps. Ça aussi, c'est censé être réversible. Par contre, qu'est-ce qu'on réalise, c'est que sur les études qu'on a faites sur les petites souris, c'est que malheureusement, encore plus que les études qui ont été faites par rapport à la pilule contraceptive, il y a encore plus de chances que vous restiez infertile la suite. C'est vraiment très facile. Ben c'est pas très, très facile, mais ça fonctionne un petit peu comme une vasectomie. C'est qu'on va vraiment aller insérer un gel dans les tubes qui filtrent les spermatozoïdes. Donc, en fait, ça va comme les figer. Ça va venir... C'est mal dit, mais c'est comme mettre de l'isolant. OK. Dans les murs. OK. Où, c'est mieux que mettre l'isolant blanc dans les murs. Oui, c'est ça. Mais c'est vraiment d'aller faire cette espèce de système-là qui va vraiment venir bloquer la production de spermatozoïdes et qui va vraiment venir les figer pour que, justement, vos spermatozoïdes aient une barrière pour pas aller plus loin lorsque vous avez une relation sexuelle. Okay. Et de cette façon, ne pas aller féconder l'ovule de madame. Ouais. Moi, à ce moment-là, j'ai comme une question. Si vous, vous prenez la pilule contraceptive et nous, on prend la pilule contraceptive... Ça s'annule-tu? Il va-tu y avoir comme des effets par rapport à ça? Ça doit pas être conseillé, là, non? Non, mais tu sais, chez la femme, ouais. On le sait que ça a pris des années et des années avant vraiment d'élaborer la pilule contraceptive féminine au point où que ça fonctionnait, puis OK, bing, bang, go, on y va, puis on en crée des tonnes et des tonnes. Mais est-ce que du côté masculin, ça va prendre trop de temps? Est-ce qu'on va vraiment juste rester du côté vasectomie et condom? Et est-ce que, comme on le disait, est-ce que ça va venir s'annuler l'effet pilule contraceptive féminine, pilule contraceptive masculine? Et est-ce que l'effet de la pilule contraceptive masculine aura un effet si la fille ne prend pas la pilule contraceptive féminine? OK, oui, je comprends. Est-ce que celui pour les gars va venir compléter celui des filles? ou est-ce qu'il va falloir que la fille soit absolument pas sur la pilule pour que le gars puisse... Ah, c'est plein de questions, ça. C'est vraiment plein de questions. Puis en fait, il y a plusieurs articles qui sont sortis dernièrement. J'ai vu l'article qui était sur CNN. Je dois le dire, ma source est CNN, mais ça découle vraiment d'un article qui est sorti dans le magazine Science aux États-Unis. Et là, comme je vous dis, il y a plusieurs articles, plusieurs papiers qui ont été faits sur le sujet. Donc, si jamais ça vous intéresse, si jamais vous êtes intrigué par la chose, vous pouvez simplement marquer pilule contraceptive masculine sur Google. Et là, je vous le dis, vous allez avoir une panoplie d'articles qui va vous expliquer vraiment, même plus en détail que ce que je vous ai expliqué ce matin. Parce que je ne voulais pas rentrer dans les gros détails scientifiques de... Ouais. Traitons vraiment de la chose, là. Je ne suis pas médecin non plus, je ne suis pas scientifique. C'est ça. Mais je voulais vraiment mettre sur table le fait que ça pourrait exister bientôt. Et ça m'a comme amené la fameuse question, tantôt on parlait des infections transmises sexuellement. Ouais. Est-ce qu'on pourrait pas arriver un jour à avoir une pilule contre ça qu'on prend à tous les jours, mm-hmm. qui va venir vraiment faire une espèce de barrière justement à ces infections-là, ces maladies-là, comme on fait présentement avec la pilule contraceptive masculine? Où on doit vraiment rester au condom. Ouais. Parce que là, si on crée la pilule contraceptive masculine... Les hommes vont arrêter d'utiliser les condoms ou ils vont continuer? Ben, moi, en tout cas... En temps normal, tu devrais continuer. Je vois quand même un futur où les gars vont dire « Ah, je sais la pilule, fais-toi pas avec ça. Ouais. » C'est les douchebags, c'est... Tu sais, comme la fameuse question « Ok, mais tu prends-tu la pilule? » Ah, oh, on est correct. Je pense que toute fille a déjà entendu cette question-là une fois. Une fois sous, là? Non, excuse-moi, mon cher, ça t'appartient. Tu mets le petit chapeau. J'ai peur de ça. Un peu comme tantôt, tu sais, je t'apportais le thalidomide, c'est le médicament utilisé dans les années 50 et 60 oui. comme sédatif et anti-nauséeux. Mm-hmm. Je cherchais un petit peu sur Wikipédia rapidement. Donc, notamment chez les femmes enceintes que c'était utilisé, on a découvert que ça provoquait de graves malformations congénitales avec le temps. Assez grave. Allez chercher un peu de thalidomide juste pour voir THALIDOMIDE pour vous intéresser à ça. Là, la page Wikipédia, les sections sont... Du rapide succès mondial à la crise sanitaire, le désastre du thalidomide, une tragédie sanitaire, un scandale éthique, scandale judiciaire, conséquences réglementaires, prise en charge thérapeutique des victimes et autres conséquences. C'est beaucoup de choses en même temps. Donc, tu sais, moi, les médicaments qui n'ont pas fait leur preuve, j'ai un petit peu une petite réticence avec ça. Mais présentement, les études se vont bien aux États-Unis comme au Japon. En Europe, ça va plutôt moins bien, on doit le dire. Il y a aussi une recherche qui a été faite qui en fait, les scientifiques ne comprennent pas pourquoi, mais la pilule contraceptive masculine semble avoir beaucoup plus de facilité à fonctionner chez les Asiatiques que chez les gens d'ethnie soit européenne ou américaine. OK. Donc, on se demande pourquoi, qu'est-ce qu'ils font de différent. Et comme tu l'as dit hier, les Asiatiques sont jamais malades. Ils sont faits fort. J'en ai entendu parler en passant. Mais... Ouais, hein? Oui, j'ai mais non, mais ça, c'est une blague. Ah, là. OK. C'est parce que c'est rare qu'on va voir des Asiatiques, vraiment. C'est rare qu'on voit des Asiatiques. Ouais. C'est rare qu'on les voit avoir la grippe, là. Oui. C'est juste ça. Je voulais juste dire que leur système immunitaire était plus fort que le nôtre. C'est ça. Mais tout ça pour dire aussi qu'il y a des études qui ont réalisé que ça allait peut-être être très, très compliqué parce que les systèmes reproducteurs masculins est vraiment très, très fort comparé au système reproducteur féminin. Okay. Donc, le taux de testostérone que l'on devrait envoyer vraiment en excès serait peut-être trop haut, justement. Puis c'est ce qui ferait en sorte que vous resteriez peut-être un peu infertile pendant un long bout par la suite. Est-ce que tu as question pour toi ou des gens que tu connais? Est-ce que tu as utilisé d'autres méthodes de contraception que la pilule? OK. Lesquelles? La méthode du calendrier, je sais pas quoi. Bien, en fait, on m'avait proposé le stérilet, mais je dois avouer que ça fait vraiment peur. Oui, ça fait peur, le stérilet, hein, c'est ça, de l'entre-genre. Non, mais apparemment que c'est pas super confortable lorsque tu te le fais poser par le médecin et tout c'est ça. Pour combien de temps? En fait, je pense que c'est renouvelable aux 5 ans, le stérilet, si je me souviens bien. Et lorsque tu essaies d'avoir un enfant, tu dois l'enlever. Ah, tu dois te le faire enlever, en fait, parce que ça, tu peux pas poser un stérilet de façon tout seul. Là, ça rentre dans les trompes de Fallope. Okay. Mais le moyen contraceptif aussi que j'ai essayé, c'est le fameux anneau qu'on voit depuis quelques années sur le marché. Et je dois avouer que ça fonctionne très bien pour moi, contrairement à la pilule contraceptive. C'est ce que tu utilises présentement? Oui. D'accord, félicitations. T'as jamais essayé l'éponge, donc? Je dois avouer que je ne sais pas c'est quoi l'éponge. Parce que ça m'intrigue en tabarnouche, ça, l'éponge. Ah, ouais. Il y a un épisode de Seinfeld là-dessus des années 90, okay. Sur l'éponge. Elaine a de la difficulté à trouver l'éponge. Tu rends une éponge dans la bulle. Mais il y en a localement à Trois-Rivières. Donc, ça m'a intrigué de voir qui utilise l'éponge. Mais c'est-tu comme vraiment une éponge d'éponge? Je sais pas, ça fonctionne en bouche, je sais pas, tu sais, c'est comme de la salade. Ah ben, si c'était toi, je mettrais pas ça dans ma bouche, là. Okay. Je te dis ça comme ça. Je pense que t'es là pour me guider. Ouais. Puis Mathieu, je dois avouer que j'ai pas trouvé, malheureusement, de chanson qui allait aller dans la lignée t'as de la pas de chanson? Ben voyons donc, mais Tania. Non. Attends un peu que je t'en trouve une. T'as-tu trouvé une chanson qui s'appelle Contraceptive? Non, mais attends un peu. Non, mais je vais faire le travail d'un bon animateur. Moi, ça va pas. Ça prendra pas 1000 ans de trouver une chanson, là. Moi, je suis pas toi, là. Attends un peu, là. Je vais essayer avec. Toi, est-ce que tu l'essaierais, la pilule contraceptive masculine? J'ai aucune raison de le faire, j'ai peur de se coucher. non, mais veux-tu ça de l'honnêteté? Veux-tu de l'honnêteté? Ben. J'en ai pour toi. C'est correct comme ça. On va écouter. C'est bon ça. On va aller écouter du Death from Above 1979, tu les connais? Ils ont déjà été sur le palmarès ici, assez fou. Donc on s'en va entendre leur chanson qui se nomme Sexy Results. Et voilà. On écoute ça à Assemblage Requis. Ah, attends, je n'étais pas en train de faire jouer la bonne. Ah, c'est la première fois que j'essaie de faire ça, excuse-moi. Attends, je vais essayer ça ici. Est-ce qu'il y en a deux? Okay. Voilà. Ah, ça fonctionne plus avec le thème. C'est la première fois que je fais ça. Ben, bref, on s'en fout du behind the scenes. Merci, Tania. Hey, merci, Mathieu. Ouh! Ça, là... On dirait comme un joyeux mélange entre du disco et du rock dans le temps. Oui, c'est comme du porno, genre vraiment... Du porno, c'est ça que t'as dit? Oui, mais comme trendy à la mode. Oui. Ouais. Hey, je vais pas te dire quoi faire, Tania. Mais dis-moi pas quoi faire. J'ai un peu de blanc autour de la bouche. Duh! Je pense que c'est ton fromage à la crème! Ça doit être ça. Vous êtes Assemblage Requis, au retour Sébastien F. Gartin et son bulletin Gartin. Hein? Hein? Ça, je t'envoie ça une pause, vous, je t'envoie ça une pause. Je sais bien, je recycle mon matériel que je fais en ronde, tu sais. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou. 89. L'Association générale des étudiants de l'UQTR collabore à la présentation d'Assemblage Requis. Bonjour, c'est toujours à Assemblage Requis en ce mercredi 20 janvier 2016, c'est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Je sais pas pourquoi je veux dire novembre. Ah, pourquoi tu veux dire novembre? Pourtant, t'es en janvier. Est-ce que tu veux en parler? Non, j'avais un cheveu sur mon micro, là. Ouais, mais d'après moi, là, c'est le cheveu qui vient de passer devant moi parce que je l'ai le vraiment vu, hein? Comme... Tu m'as pas averti, hein? Je te le dis, je l'ai vu passer. T'espérais qu'il me tombe dans la bouche, hein? C'est ça, c'est pour la joke de blanc sur le bord de la bouche. Ouais, mais t'avais du fromage à la crème, pas de ma faute. Ouais. Pas de ma faute. Vieux melon de cochon. C'est pas... J'ai pas la moustache qui va avec. J'ai le sens d'humour, par contre. Malheureusement. Sébastien F. Gardin qui vient d'arriver en studio pour sa chronique. Bonjour à toi. Bonjour. C'est vrai que Mathieu, il est vieux. C'est vrai, hein? Ah, là, là! Tu fais des jokes de mon oncle. Ça, c'est de la persécution, je trouve. Persécution. J'aime pas ça. Quoi, c'est la première fois dans le monde. C'est ça, persécution? Non. On appelle des fois le persécution, comme un parfourin. Joke de mon oncle! Pareil. C'est Bulletin Gartin. Sébastien vient de s'excuser de sa joke facile. Ouais, il s'est dit des choses pendant que j'avais les écouteurs sur les oreilles, n'est-ce pas, messieurs? Sébastien a dit, attention, je vais l'imiter. Tu fais une mauvaise imitation. Avec tes mains, ça marche pas à radio, Mathieu. Tu la caméra 3 est fermée ce matin. Je fais ce gag-là plusieurs fois, des fois de vouloir imiter quelqu'un en m'attendant à ce que la personne fasse sa propre imitation comme ça. Oui. Je le sais, je voulais juste revirer ça contre toi. Non. Un jour, je t'aurai, futur animateur de la sortie de secours est à votre gauche. De demain. Okay, oui. Les jeudis matin, jeudi après-midi à 13h, ça va être bien le fun. Mentionnons-le dès le départ. C'est quoi ça, cette émission-là? Ça me dit rien pantoute. Ben, on en parle ça après ma chronique? Au début et à la fin? Ah, au début et à la fin, juste, okay, bon. Au début, je vais juste dire l'heure, jeudi 13h. Ouais. La sortie comme de secours est à votre gauche. Et on c'est en parle voix, comment... à la fin. C'est ta voix dans, oui. dans l'intro ou dans la pub? Les deux. Bon. C'est le même, c'est littéralement le même enregistrement qu'on utilise. Ouais. Génial, on y reviendra. Donc, ça, personne le sait, c'est un secret. Non! Ça l'est plus, on l'a dit à la radio. C'est juste entre nous trois, cette histoire-là. C'est ça. Donc, ta chronique se porte, comme toujours, sur l'actualité, en général, de façon large, mais aussi des sujets dont les gens parlent, actuellement. Oui, mais pas en même temps. Pas en mais même. Oui. Mais pas bref, ce matin. C'est bien confus, puis j'aime bien ça faire de la seconde. Ce que j'appellerais de la petite chronique d'humeur, okay. Parfois, parce que c'est, oui, discuter de... C'est drôle parce que ce que je dis là, ça marche tout autant avec notre future émission. Oui. Jeudi 13h. Non, mais c'est vous 89.1. Mais ouais, c'est ça. Moi, j'y vais un peu à la... Qu'est-ce que j'en pense? Puis bon, on en discute tous les trois ensemble. Les trois? Ouais. Oh! Ben, les trois. Ah, les trois moi, ici, OK. Ah, OK, Tania, okay, Mathieu, je passais dans l'émission, là, je suis là, ouh, invité surprise! Et non. Et ben, non. Pas matin. Peut-être un jour. On va voir, il y a assez de micros dans le studio. Ouais, okay. on a ça. Hein, on peut jouer avec la forme, c'est le fun, ça. Bon, donc, ça, en fait, c'est drôle parce que ça marche un peu avec ce que vous parliez juste avant que j'arrive. On parlait de sexe. On parlait de pilule contraceptive. Donc, pilule contraceptive, sexe, le sexe c'est la vie, c'est comme ça qu'on donne la vie. La pilule contraceptive, c'est ne pas donner la vie. Donc, vous parliez de la vie. Oui. Attends, ouais. On va le spinner comme ça. Excusez si pour l'anglicisme. On creuse ben profond, là. Ouais. Donc, on parlait de géologie aussi, vu qu'on creusait profond. Ouais, c'est ça. Donc... Moi, ce de quoi je vais parler, en fait, c'est que le penchant contraire de la vie, c'est la mort. Mm-hmm. Oui. Oui. Puis, on le sait, depuis le début 2016 n'a pas encore un mois et il y a beaucoup de gens illustres qui sont décédés. C'est vrai, c'est un mois plate un peu. C'est ça, il y a l'ami Kilmeister, mais lui, il est décédé avant 2016, en fait, juste avant, si je me rappelle bien. Ben, je pense que sa première tétine est morte en 2015, sa deuxième en 2016. Okay. Il allait rester comme un mois. Ça se peut pas. Donc, il y a eu aussi David Bowie et plus récemment, René Angélil. Quoi? Oui. Quoi? René Angélil est décédé. Et oui, malheureusement. Est-ce que t'es sérieux? C'est une blague. Là, je faisais des gros yeux. L'amour entre Marimé et Saint-Gelais. Ouais, c'est lui. Comment il s'appelle? Ouais, c'est Saint-Gelais est mort, bon, mais là, René, je le savais pas. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Ah, Tania, ton humour nous dépasse. Hey, vraiment. C'est le meilleur humour que ton vieux monocle. Donc, ouais, c'est ça. Puis là, pourquoi est-ce que je parle de René Angélil? Parce qu'on s'entend, c'est pas dans mes sujets habituels non, parler de people. Ah, c'est fou, là, mettons, là. Hein? Tu vas nous parler de qui après ça, tu sais? Hein? De Céline Dion, c'est non? Évidemment. Mais non, c'est ça. Donc, pourquoi j'en parle? C'est qu'il y a une micro-polémique qui a éclaté autour de. Puis je dis bien micro, parce que bon. Ouais, un micro. C'est gros, puis ça l'est pas en même temps. C'est que il a été annoncé que René Angélil, feu René Angélil, aurait droit à des ce qu'on appelle les funérailles nationales. Ouais. Puis là, ça a l'air gros, puis on se dit oui, mais bon, oui, il était connu du public, il était apprécié, ainsi de suite, mais c'est, en tant que tel, c'était quand même bien rien qu'un impresario. C'est ça, c'est un gérant, là. Puis là, il y a eu des excellentes. J'ai lu plus, on s'entend, c'est plus dans la chronique justement que dans le journalisme, mais il s'est fait plusieurs chroniques d'opinion sur le sujet qui défendaient le « c'est une bonne idée » et « c'est pas une bonne idée » de manière très convaincante les deux. Et honnêtement, je sais pas trop où me placer par rapport à ça. Ce qui est intéressant de savoir par rapport à ça... C'est nos taxes payées pour ça, je te gâche. Partiellement. C'est que dans les... bon, si on lit, il y a une excellente chronique, oui, qui s'est retrouvée dans la presse hier. C'est une journaliste que je ne connais pas beaucoup, donc le nom m'échappe, mais si vous allez dans la presse hier, dans le cahier actualité, ça s'y trouve. Le titre est assez évocateur. Et ça discute un peu des formes de funérailles qu'on pourrait dire grandioses au Québec. Ouais, celles un peu grand public qui vont être prises en photo pour les magazines, etc. C'est ça, exactement. La forme la plus... Il existe trois sortes. Des grades. La première, c'est ce qu'on appelle des funérailles d'État. Ça, c'est très rare. En fait, c'est pas la plus rare, mais c'est la plus, je pourrais dire, restreinte. Okay. Dans le sens que les funérailles d'État, c'est réservé au premier ministre en fonction s'il meurt en fonction, aux anciens premiers ministres et à certains ministres qui n'ont jamais été premiers ministres, mais qui se sont extrêmement démarqués. Il y a Claude Ryan, entre autres, qui n'a jamais été premier ministre, mais qui a eu droit à des funérailles d'État pour les rôles qu'il a joués dans la société québécoise. C'est une coche en haut des funérailles d'État. Ça, c'est quand t'as enterré le caca ton chien parce qu'il a fait des affaires dans la maison. C'est des funérailles d'État. Ah, OK. Tu renvoies l'État de... Ouais, c'est des jokes de mon oncle aujourd'hui. Hein? Ouais. Wow. Merci. T'es inspiré, Mathieu. Ouais, faut pas trop inspirer, ouais. C'est-tu ta moustache que je vois grandir à vidéo? Ah, c'est clairement ça. Ah, hey, ça serait drôle, ça, de faire un sketch là-dessus comme qui, déjà? Pinocchio. Ouais, sauf qu'à la place, c'est la moustache quand tu dis quelque chose de mon oncle. C'est ça. Quand tu fais une blague plate. Les lundis soirs à la chasse galerie à 20h. À la lutte. Ouais. On est dans l'autopromotion aujourd'hui. Bref, après les funérailles d'État. Juste pour spécifier, les funérailles d'État, l'ensemble de tout ce qui tourne autour des funérailles est défrayé par l'État. OK. OK. Mais ça, il disait donc certaines qui avaient coûté cher. Je pense que j'ai, de mémoire, le chiffre c'était 55 000 piastres. Vous entendez, c'est pas. C'est pas énorme par rapport à une vraie funéraille. Par rapport au portefeuille de l'État québécois, c'est pas si pire. On s'entend, là. C'est pas une goutte d'eau. C'est ça. Ouais. C'est pas. C'est pour nous autres, c'est considérable. Oui. Mais pour nous autres, c'est sûrement c'est des pinottes, là. Ouais. Sérieusement. Là. Non, mais tu sais, dans le budget de plusieurs milliards du Québec. Ouais. Donc, ça, c'est une chose. Ensuite, il y a d'ailleurs ce qui a été. Ce qui va être fait pour M. Angélil. Ce avec quoi on va honorer M. Angélil, c'est des funérailles nationales. Ça, c'est pour... la définition est très, très vague. C'est toujours très, très subjectif. D'ailleurs, c'est spécifié d'ailleurs que c'est au choix du gouvernement actuel du Québec de faire ou non des funérailles nationales pour quelqu'un. Et c'est pour quelqu'un qui a contribué beaucoup à la société québécoise et à son rayonnement, que ce soit dans le domaine artistique, politique ou social. Donc là, René Angélil est le premier qu'on pourrait dire homme d'affaires à être, parce que je pense qu'on peut dire ça. Vraiment, oui, oui. Ce qu'il a mis, tu sais, bon, il a été dans les baronnets, ça. Ouais, mais ça, on essaye de l'oublier. C'est ça. C'est ce qui l'a vraiment, tu sais, le René Angélil qu'on connaît, en tout cas notre génération, parce qu'on s'entend, les baronnets, c'était d'être cool avant que tout le monde autour de la table ici vienne au monde. Ouais, c'est la raison pour laquelle il y a des funérailles. Quoi, ça a déjà été cool, les baronnets? Pas sûr. Je pense que ça l'a été pendant à peu près 6 mois. C'est ça. C'était pas eux autres qui avaient des turbans d'ailleurs. Ils étaient comme en costume bleu poudre, puis il y avait des turbans. Mais où je me demande, il y avait un autre groupe. Hier, j'ai su que René Angélil est arabe. Ben, c'est vrai. Ses parents, c'était des réfugiés. Ben ouais, c'est ça. Hein? C'est réel. Oui, c'est fou, hein? Oui. Waouh! C'est pour ça qu'il en parle. On n'aurait jamais eu René Angélil si ça n'avait pas été des réfugiés syriens. Fait que mettez ça dans votre pipe puis fumez-la. Ça veut dire que Céline serait restée dans son sous-sol à Montadis. C'est hein? ça. T'allais dire. Ouais. On a conclu ta... micro-parenthèse. Oh. Micro-parenthèse. Faut qu'elle une autre personne connue qui est d'ailleurs décédée de nos jours, qui était dans la même situation que René Angélil, c'est-à-dire un enfant d'immigrants de réfugiés syriens, ouais. C'est Steve Jobs. Arrête-moi donc ça. Sans qui tu n'aurais pas d'iPhone et tu serais probablement plus riche, Mathieu. Oui, merci, en effet. Ouais, aussi, mais... Je confirme. Petite blague. Bon. Mon fil d'iPhone vient de mourir en plus, fait qu'il faut que j'achète ça. C'est vrai. Hey, l'argent que ça va me coûter, ça. Hey, encore une autre semaine de salaire qui passe sur toi. Comme ça, sur Apple. Il y en a au moins, quoi, des semaines de salaire 30 dans l'année pour nous. En tout cas, continuons. Bref, c'était un peu triste ce qu'on dit là. Donc, c'est ça. Les funérailles nationales, je m'en l'ai dit, funérailles d'État, on n'est plus avec ceux-là. Funérailles nationales. Ce qui arrive avec ça, c'est que, bon, premièrement, il y a une partie qui est défrayée par la famille quand même, c'est-à-dire, les frais, là, c'est assez détaillé. Il y a une partie par la famille. Par la famille, par son assurance. Mais c'est que si tu peux avoir des funérailles nationales, c'est que ta famille est probablement assez nantie pour pouvoir permettre l'achat de... On s'entend que c'est quand même le défunt conjoint de Céline Dion, qui est probablement l'artiste la plus riche au Québec actuellement. Et si Céline Dion est la plus riche plus au Québec... La plus connue au monde aussi. Oui, probablement que René Angélil, c'est plusieurs fois ça. Là. C'est ça. Parce que c'est lui qui l'a mis sur la map. On s'entend... Ben, en fait... Là encore les détails. S'ils prenaient 20% son dos en tant que mari, là. Je sais pas. Je pense que leurs arrangements d'affaires fonctionnaient pas de la même nécessairement comme ça, étant donné qu'ils sont quand même conjoints, ça revient à la même affaire. Mais ceci étant dit, où ce que je voulais en venir, c'est que bon, il y a une partie qui est défrayée par l'État. D'ailleurs, c'est la SQ qui fait la sécurité, comme dans les funérailles d'État. Bon, ça, c'est vraiment comme je le disais avant qu'on dérape un petit peu. C'est ça. Ça, c'est réservé pour des personnes qui ont contribué énormément à la société québécoise, de manière soit dans le domaine de la culture, de la politique, sauf, mettons, les gens qui ont été premiers ministres ou les ministres très illustres qui ont eux autres droit à des funérailles d'État. Mais c'est ça. Donc, pour le politique ou le social. De mémoire, depuis les années 90, il y en a eu 6. Okay. René Angélil serait le 7e. Là-dessus, là, je ne me rappelle pas de tous les noms par cœur. Il y a 4 vraiment artistes. Art visuel, il y a un cinéaste. Il y a eu... un joueur de hockey. Non. Maurice Richard. Okay. Ah oui. Maurice Richard en 2000, si ma mémoire est bonne. Il y en a eu un autre aussi. Il y a eu dernièrement. Oui, c'est vrai. Lui, c'était... Béliveau. Oui, c'est ça, Jean Béliveau. Lui, je crois que ce n'était pas des funérailles nationales, mais des funérailles, la coche en dessous des funérailles civiques qu'on appelle. C'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance publique, mais que là encore, il y a beaucoup moins de protocole autour, c'est moins cérémonieux. Pas de police autant, peut-être. Mais Maurice Richard, j'avoue que Maurice... tu ne pouvais pas faire autrement, là. Ouais, c'est assez... Ça reste subjectif, mais ouais. Il y avait aussi dans les funérailles... national, là, ça commence à être mêlé. En plus, c'est des mots tellement pas qui sont tout qui national, civique. Lequel vaut-tu de quel Donc, dans l'ordre, le plus haut, c'est d'État, ensuite national, ensuite civique, puis ensuite monsieur, madame, tout le monde. Ouais. Funérailles tout court. donc, c'est ça. Puis le sixième, ça a été, je vous dis, c'est pas dans l'ordre, là, mais c'était un syndicaliste illustre. Qui a eu droit à ça. Là, que moi, son nom ne me revenait pas, mais en tout cas, il a eu droit à ça. Donc c'est ça. C'est pas quelque chose qui est fait très souvent, d'ailleurs. C'est à le noter, comme je dis, ça serait René Angélil serait le 7e depuis, je pense, c'est 1994. Dans les sources que j'ai trouvées, je sais pas pourquoi est-ce qu'il remonte à 1994. Peut-être que parce qu'avant, tout simplement, ça n'existait pas. Ouais, peut-être. Cette notion-là, c'était peut-être plus confus, plus diffus, ou ça a juste été précisé à cette époque-là. Ou il y avait des dossiers, mais ça a brûlé quelque part. Ouais, peut-être. Mais c'est ça. Donc, ce qui est spécifié, c'est que c'est très subjectif. C'est vraiment une décision qui se prend sur le moment par le gouvernement. Donc, par l'exécutif provincial. Une équipe ou une personne, sûrement une équipe? Je pense que c'est un peu une équipe. C'est ça, comme je dis, c'est l'exécutif. Ça me semble. Là-dessus, j'ai pas trouvé de source exactement comment est-ce que la décision se prend, mais c'est. Dans ma tête, moi, ça devient une responsabilité exécutive. Donc, ça serait le conseil des ministres qui prendrait ça, là, qui prenne la décision entre eux autres. Ouais. Ce qui est très correct pour ça. Parce que tu réunis pas les quelques centaines de députés pour savoir « Ah ouais, Renan Angélil, est-ce qu'il met ouais, centaines, là, ouais. maintenant? » Va-t'en! Faut pas virer fou avec ça des fois non plus. Là. Donc, c'est ça. Puis la polémique, c'est ça, c'est qu'il y en a qui disent « Oui, mais c'est un homme d'affaires. » Puis bon, il mérite. Puis premièrement, il y en a qui ont beaucoup mis l'emphase. Il y a eu une image, ma foi, savoureuse. Je viens de me rendre compte de ce que j'ai dit. Vous allez voir avec ce que je vais dire que c'est. C'est un drapeau du Québec, mais seulement un décoré bleu avec la fleur de lys dedans. Et qu'on a un peu changé la forme de la fleur de lys pour qu'elle ait l'air un pénis un peu. Pour dire, okay. Les funérailles, toutes les reconnaissances de la sorte, toutes les funérailles cérémoniales, c'était toutes des hommes. Il n'y a jamais eu de femmes. Puis on citait des exemples de femmes qui ont été au moins aussi importantes que les hommes qui ont été honorés de cette manière-là. Et aucune n'a eu droit à des funérailles de la sorte. Donc, il y en a qui disaient... Est-ce qu'on va se mettre à faire des funérailles pour tous les hommes d'affaires qui réussissent? Bon, ce qu'on peut dire, c'est que c'est sûr que Renan Angélil a quand même contribué plus que l'homme d'affaires moyen au rayonnement du Québec. Mettons. C'est certain. Ouais. C'est un peu le contre-argument qu'on pourrait faire à ça. On s'entend, c'est pas le dragon qui a une Lamborghini et qui est bien fier de ça. Ouais. Si on s'entend, c'est pas lui qui fait que le Québec est reconnu à l'international pour... la qualité de ses artistes. Oui, j'ai vraiment dit ça à propos de Céline Dion. Non, mais tu sais, on fait des... Ben, probablement que ce serait elle, la femme, à avoir justement des funérailles nationales. Peut-être. Est-ce qu'il y a eu d'autres couleurs que des blancs aussi? Ouh. Ben là, en partant, on sait que Renan Angélil est moyen-orientais. Je sais pas si c'est arasirien. Je pense qu'il rentre pas dans l'ethnie arabe, par contre, mais il est originaire du Moyen, bien que lui soit né au Québec, je crois. Mais ce serait peut-être le premier. C'est ça, faudrait faire c'est des ça, recherches. C'est ça, parce que moi, les autres que j'ai vus, non, c'était effectivement des bons Québécois francophones, catholiques blancs. C'est ça. Classique, là. C'est ça. Vintage. Ce que le mot qu'on n'aime pas, là, mais de souche. Là. De souche. Ouais, c'est ça. Je déteste utiliser cette expression-là. Sauf que mais de quelques générations, c'est plus de souche, mais bon. Ouais, c'est ça. C'est un peu. Mais c'est ça. C'était des bons vieux d'héritage, ce que j'aime appeler des francophones d'héritage catholique et de descendance française. Les Canadiens français, voilà. C'est ça. Ouais. Les bons vieux Canadiens français. Mais c'est ça, effectivement. C'était presque tout. C'est quand même pas mal. C'est ça. Il y en a qui. C'est ça. Donc, les deux opinions se valent par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent ouais, mais il est pas si. Je veux dire, c'est un homme d'affaires à base. Lui, il a travaillé pour son profit. Oui, à travers de ça, il l'a fait avec une conscience un peu patriotique, peut-être. On se rappelle, entre autres, qu'il tenait souvent Mordicus, même quand il organisait les spectacles de Céline à Las Vegas. Il tenait beaucoup à ce qu'il y ait des artisans québécois qui allaient travailler à Vegas et non le contraire. Des garous et autres, j'imagine. Ouais, mais pas nécessairement des têtes d'affiche, mais les musiciens, les éclairagistes, tout le parce qu'on s'entend là l'équipe technique. Des spectacles de l'ampleur de ceux que Céline Dion faisait à Las Vegas, on s'entend là, c'est pas juste elle puis 3-4 roadies en arrière. Là. Il y a de la masse salariale là-dedans. Ouais, avez-vous déjà vu le documentaire justement sur ça? Je peux pas dire un des spectacles. J'ai fait exprès pour pas le regarder. Excuse. Mais non, mais c'était intéressant de voir comment il y a beaucoup de Québécois qui sont impliqués, même dans son spectacle à Las Vegas. Ouais. C'est assez impressionnant, merci. C'est quand même quelque chose qu'on peut dire qu'il a fait pour la gang. Ouais. Mais il y en a qui disaient que, aussi au contraire, oui, mais puis on le sait pas, en fait, c'est de la spéculation, mais... son patriotisme, est-ce qu'il se rendait au point de déclarer tous ses revenus au Québec puis de payer sa part d'impôt au Québec? Ah, bonne question. Ou est-ce qu'il faisait un petit peu de l'évasion fiscale? Il y en a qui ont posé la question. Ouais. Est-ce que c'est pertinent? Je pense qu'en quelque part, ça l'est un peu. Veux pas. Si tu dis que c'est un grand patriote québécois et philanthrope, tu te rends compte qu'il sauvait de l'impôt en déclarant ses affaires aux États-Unis. Bon, ça ternit un peu l'image, effectivement. Mais ça, on n'a aucune preuve de ça. Hein? C'est ça. C'est juste c'est des accusations ça. Sans aucune, aucun c'est de, fondement. C'est de la spéculation. C'est voilà. ça. C'est de la spéculation. Est-ce qu'on a vanté, est-ce qu'on a sorti genre les choses qu'il faisait philanthropiquement? Genre, est-ce qu'il a donné de l'argent à quelqu'un? Il a donné de l'argent ou... aussi. Okay. Il a donné, oui. Je sais que c'était surtout l'hôpital Sainte-Justine. Oui, c'est ça. Il a beaucoup donné à Sainte-Justine. C'est bon. Ça. Là encore, puis là... Pis, on s'entend, là, moi je suis rentré là-dedans en disant moi je pense que j'aime mieux donner plus de positif que de négatif ouais. à cet homme-là. Ben, sinon tu dirais il était philanthrope sauf que c'était pour parce que c'était déductible d'impôts. Mm. Ben ça c'est l'affaire avec la philanthropie dans ce genre-là, oui. c'est que la philanthropie au Québec, t'en as la moitié qui te revient sur tes impôts, fait que c'est payant quand t'es riche. C'est ça. Fait que moi j'ai tout le temps un petit... Mais tu peux avoir une bonne intention derrière quand même. Tu peux avoir une bonne intention, puis c'est normal que si le crédit d'impôt se donne, que tu le prennes. Ben oui, tu seras pas... Ah, non, je vais aussi vous en parler. Moi, ça me... Tu sais, tu donnes pas le bon Dieu sans confession sur la base de ça, tu sais. Moi, j'ai tout le temps une espèce de petit... Ça m'achale. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a pas grand monde, sérieusement, qui font ça pour le retour, là. Non, pour pouvoir décider de donner une partie de ton argent, à moins d'être vraiment comme mesquin. Parce que tu pourrais aussi juste garder ton... Ah, parce que quand tu gardes ton argent, ah là ça devient t'en des enlève. Affaires financières. Ça pourrait être le... Non, parce que ça, c'est... En fait, je pourrais faire une autre chronique là-dessus. J'avais fait des recherches à propos de ça. Ah, intéressant. Très rapidement, moi, ce que j'avais étudié, entre autres, c'était la famille qui possédait... Je me rappelle plus leur nom, la famille qui possédait Vidéotron avant que ça soit racheté par les Pelado, par Québécois, dans le fond. Puis eux autres, justement, en vendant Vidéotron, ils auraient payé plusieurs dizaines de millions d'impôts parce que c'est du revenu. Maintenant, ils ont vendu ça, je sais plus quoi. Je pense qu'ils ont vendu ça une couple de milliards. Dans le temps que ça marchait. Dans le temps que ça marchait, ben ça marche encore, Vidéotron. Beaucoup moins. Ils changent de. Non, ils changent de. En tout cas. Ça, c'est une autre affaire. Ouais, moi, de toute façon, ça m'intéresse pas, ces affaires-là. Les affaires de business, là, moi, c'est pas mon. c'est vraiment pas mon dada. Mais ce que j'avais lu, c'est que dans le fond, eux autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'avec cet argent-là, au moment où ils l'ont reçu, ils ont, à la place de le prendre dans leur compte personnel, Ils ont créé une fondation avec ça. Ouais. Mais de la façon que ça fonctionne avec la fondation, ils se sont retrouvés à ne pas du tout payer une scène d'impôt avec ça. Ah. Et je connais, là, c'est loin dans ma mémoire, mais il y a vraiment un stratagème avec ça. Ben c'est ça. C'est sûr que c'est pas la même chose que de dire bon, ben cette année, je donne 100 000$ à l'hôpital Sainte-Justine. T'sais. C'est pas la même affaire non plus. Là. Faut pas tout mettre dans le même panier. C'est juste que c'était juste pour réagir à ce que tu disais, Tania, comme quoi est-ce que. Ouais, mais c'est pas. Tu sais, je veux dire, on aime bien beau dire qu'il y a un crédit d'impôt. Mais... Ouais, c'est ça. Je pense pas que quelqu'un décide de faire quelque chose en se disant bah, tu sais, oui, ça te passe dans la tête, mais au départ, tu le fais pour la cause. Ouais. C'est sûr que tu donnes à un ou à un autre, puis au moins ça fait du bien. Là encore, ouais, c'est discuté parce qu'il y en a beaucoup qui disent que ouais, mais on se fie trop sur la philanthropie pour financer des choses, parce que la philanthropie, ça va avec l'humeur des gens, quelque part, tu sais. Tandis qu'il y a des choses qui, présentement, dépendent de la philanthropie, qui ne devraient pas, parce que c'est des choses nécessaires. Ouais. On pense, entre autres, au... un petit peu éditorial de... on a entendu parler de la maison de... pour les toxicomanes. Oui. La maison de... Dans le fond, le certaines centre... maisons qui ferment, là. Oui, c'est ça, à cause que son bon à cause des modifications à l'aide sociale, parce que les maisons vivaient déjà sur... Ils servaient d'une partie du chèque d'aide sociale des gens qui fréquentaient ça pour fonctionner. Ce qui était déjà un problème. Là, ils ont coupé l'aide sociale à ces gens-là parce qu'ils sont logés nourris. Puis là, ben les maisons ont plus les moyens de fonctionner. Puis là, bon, ben ils dépendent de la philanthropie et des dons des gens pour fonctionner. Puis ça, ben je m'excuse, mais c'est une fonction sociale relativement importante de réhabiliter nos anciens toxicomanes. Là. Mettons. Les poquets de la société. Bon. À place, ils font juste coûter cher en prison. Fait que, t'sais, qu'est-ce qu'on préfère? Ou ils vont nous le demander sur le côté de la rue, de toute façon. Ouais, ça, c'est l'autre. Ouais. Donc, c'est ça. Pour revenir, on a encore dérapé assez loin de, comme de quoi on parlait. Mais c'est ça, dans le fond, en gros, pour résumer, il y a des gens qui sont pour et des gens qui sont contre les funérailles nationales pour Renan Djellil. Est-ce que son œuvre a valu la peine? Bon. C'est un pensez-y bien. La leçon, peut-être, qu'il faut tirer de ça, c'est que peut-être que oui, effectivement... Faudrait peut-être qu'on diversifie un peu les gens qui gagnent, qui ont droit à cette forme de reconnaissance. Un peu comme le Rock and Roll Hall of Fame ou l'allée des célébrités, peu importe, varie leur choix. Puis tu sais, il y en a pour tous les goûts. Les funérailles nationales, ben, faudrait. Est-ce que les Québécois seraient pas un petit peu chialeux aussi? Évidemment. Mais c'est en même temps, où j'ai vu que ça a peut-être un peu accroché, je pense qu'en fait la première personne qui a polémisé c'était un anglophone, mais si je me rappelle bien. Okay. Mais ben là encore les anglophones sont les anglophones québécois sont peut-être moins proche, je dirais, de René et de Céline. Ben, je sais pas, on entend tout le temps parler de Céline dans les médias anglophones aussi. Ouais, ben, c'est peut-être pour ça aussi qu'il va y avoir des funérailles nationales. C'est parce que non seulement c'était ici, mais c'était partout ailleurs. Ouais. Donc, j'imagine qu'en ayant des funérailles nationales, t'as comme la télévision qui va être très, très impliquée, mais aussi la télévision d'ailleurs. Ouais, mais en même temps, mettons, nous, on connaissait les deux, mais ailleurs dans le monde, est-ce que c'est pas juste Céline Dion? Tu sais, mettons, tu vas, les Américains connaissent tout Céline Dion. En France, ils la connaissent tout, c'est bien sûr. Je sais pas si elle l'a mis aussi d'avant ailleurs qu'ici. C'est ça, c'est ça. Bonne question. Moi, je suis pas si certain que ça. Moi, je dirais que National, c'est assez doit être Canada pas mal, d'après moi. Ouais. J'irais surtout Canada. Ouais. À mon expérience, mais tu sais, qu'est-ce que j'en sais vraiment? Mais quand on dit funérailles nationales, c'est au Québec, là. C'est pas le Canada qui reconnaissait, c'est vraiment le Québec. Je pensais que c'était vraiment le gouvernement canadien. Tu l'as dit, tantôt, c'est québécois. Ça. Ouais. Tu l'as dit. Je l'ai dit, t'écoutes pas. Non, je me rappelle. Tu peux préparer tes jokes de mon nom. Je me rappelle que tu l'as dit. Ouais. Mais non, c'est ça. Je pense qu'il existe un peu l'équivalent pour le Canada aussi. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a certains, il y en a certains qui ont été comme, mettons, Pierre-Éliott Trudeau, ça a été fédéral quand il est décédé. Mais il appelle ça comment? Une chose équivalente. Je ne sais pas, honnêtement. Mais pour moi, c'est le National Canada, non? Ouais, ben je sais pas c'est quoi le terme. Je pense que ce serait un terme qui serait plus valide pour le Canada national, m'a dire, ben franchement. Ben moi il doit aussi, avoir si un. Ouais. Ben c'est pour ça que j'ai pensé automatiquement au Canada parce que c'est pas national. Ouais, mais ça c'est une chose qu'on a un peu au Québec, c'est qu'on va souvent considérer, on va dire quelque chose de national. Pareil on s'est comme, rendu compte de ça. C'est pareil comme mettons au la fête nationale. La fête nationale. Ouais. Ok, puis bon, là c'est qu'il y a une discussion. Il y a tout le temps une espèce de débat en politique. Est-ce que nation veut dire nécessairement pays? Souvent non. Fait qu'il y a des pays dans le monde qui ont plus qu'une nation. En fait, beaucoup de pays occidentaux sont arrangés de même. Mettons, nous autres au Canada, on pourrait dire qu'il y a les Canadiens anglais et les Canadiens français. Ouais. Mais il y a aussi, mettons, comme en Belgique, il y a la Wallonie puis il y a les Flandres. Mm. Les Wallons sont francophones, les Flandres sont... Ils parlent le néerlandais, je sais pas c'est quoi l'adjectif, mais en tout cas. Bon, ainsi de suite, là, mais c'est ça, tu sais, c'est que l'adjectif national semble simple au premier abord, mais en fait, il y a beaucoup de subtilité dans cette notion-là, donc d'où les questions qu'on se posait de rette là, de « ouais, mais national, ça aurait dû être le fédéral », mais non, c'est pas étatique, c'est pas le pays, c'est une nation. Ah, c'est Québec, on a une culture un peu différente du reste du Canada, puis bon. Fallait poser la question pour avoir une explication comme celle-là. Ouais, c'est ça, fallait poser la question. Ouais. C'est souvent ça. C'est pas fou. Bref, voilà. Et juste en terminant, une chose qui avait été spécifiée d'ailleurs, c'est que dans les critiques, d'ailleurs, je voulais en parler plus tôt, puis on a dérapé, mais il y a des gens qui... Je fais ça très vite. Il y a une des critiques qui avait été faite de la part des contre les funérailles nationales pour René Angélil, c'était que, voilà quelques jours, il y a 6 personnes de la région de Québec qui faisaient de l'aide humanitaire au Burkina Faso qui sont morts dans un attentat. Et on se disait, oui, mais eux autres mériteraient peut-être plus une reconnaissance nationale que ça, mais en fait, apparemment, il y a une rumeur comme quoi est-ce qu'on leur prépare des funérailles civiques cette fois. Ben, c'est quand même bien. Ce qui est peut-être un peu plus cohérent avec ça, parce que justement, c'était, je sais pas si je voulais en parler tantôt, puis ça m'échappait, mais c'était pour illustrer un peu la différence, c'est que c'est pas nécessairement des gens qui étaient connus avant. Ouais, c'est ça l'affaire. Qui ont fait rayonner tant que ça le Québec, mais que quand même, on se dit que oui, mais notre peuple veut quand même leur faire une reconnaissance. Ouais, ça, c'est bien. Ils sont décédés dans le cadre d'un. Mais tu sais, malheureusement, c'est triste à dire, mais malheureusement, on les a connus lorsqu'ils se sont fait attaquer. C'est vrai, c'est ça. Un autre exemple, ceux qui ont des funérailles civiques aussi, ça va être les maires de ville. Ah, OK. Les maires et mairesses, ça va souvent être ça qu'ils vont avoir droit. Mettons ceux qui ont été plus mémorables quand même. Mm-hmm. Mettons Yves Lévesque va sûrement avoir droit à ça, s'il fait pas le saut fédéral. Si on déclare pas Yves Boivin mort sans faire exprès. Je sais pas quoi je fais. Bon. Bref, la sortie de secours est à votre gauche. Oui, jeudi 13h. Ta nouvelle émission qui commence avec Lucas Hubert cette semaine. Ancien éditorialiste du Zone et nouvel éditorialiste du Zone. C'est ça, Clash of the Titans. Ouais, on peut dire. Mais ça va être une émission de gauche, politiquement, un peu. Ouais, c'est quand même. Un genre de référent. L'idée de nous autres, c'est un peu plus... Ben, tu sais, Regarde, on est, je veux dire, on pourrait pas nier qu'on est de gauche les deux, là, même si moi j'ai tout un peu de misère avec cette étiquette-là, en tout cas. C'est surtout, en fait, ça va surtout être un prétexte pour parler d'actualité, mais de manière drôle et ludique. Ah, ok, on va voir. Dans le fun. Fond, les fans de la soirée T'es encore jeune à Radio-Canada ne seront pas trop dépaysés. Version un peu, peut-être. Un peu. Jeune étudiant, mettons, c'est ça. Dans on le on va pas se vous voyer. C'est ça. Ah, mais ça va être cool. C'est un peu le même genre d'émission qu'on voulait faire. Invité des fois? Oui. Chronique? Oui, évidemment. Là, on a différents segments. On va en avoir pas mal d'ailleurs. Là, likez notre page. Oui. On va donner des petits teasers avant l'émission. Faites pas comme moi. Accrochez-vous pas sur le bouton j'aime, puis après ça, dégémer. Genre, comme tu ouais, c'était drôle ça. C'était bizarre. T'as fait baisser nos stats. Je m'en suis pas rendu compte d'avoir dégémé ça. Bref, là là. C'est un nouveau verbe que j'essaie d'amener dans votre blague, tu vois. Donc, Sébastien Viertin, jeudi 13h, la sortie de Secours est à votre gauche. Et on te retrouve ici à Assemblage Requis les mercredis à 8h. Merci beaucoup. Ok, oui. Merci à vous. Bonne émission en passant. Bonne session. Merci vous aussi. Bonne semaine. Salut. On prend une pause au retour. Frédéric Bernard et Google Globe. Tu vas avoir le temps de finir ton fromage à la crème. Ben oui. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Bonjour, c'est toujours à Assemblage Requis en ce mercredi 20 janvier 2016. Elle est Tania Bonin. Avec Mathieu Plante. Oui, maintenant on accueille celui qui parcourt la surface complète de la Terre. Et dans son cas, c'est la Microsoft Surface de la Terre. C'est une joke de tablette Microsoft Surface. C'est drôle, non? C'est Microsoft? Voici Google Globe. Il me fait signe, non? C'est une Android. Hein? Le gars est drôle, pareil. Une Samsung. C'est drôle, hein? Bon, donc, sur sa Samsung, salut Frédéric Bernard. Salut. Je trouvais que le gag était plus drôle avec Microsoft Surface, excuse-moi. Ben ouais, ça fitait bien. Je pense que t'aurais dû Samsung Android, ça aurait moins coordonné au niveau du vocabulaire. C'est ça. Ça ouais. aurait pas eu de sens. Donc, on t'accueille chaque semaine pour vraiment explorer un peu Internet. Oui. Tu poses une question à Google, t'essaies de répondre de façon la plus absurde possible. Oui, ben en fait, on cherche dans Google des réponses, qu'ils soient absurdes ou non. Voilà. On essaye de trouver quelque chose pour nous égayer dans cette question que tout le monde se pose. Oui, ben oui. Des questions sur la vraie vie, là. Oui. En plus, je vous fais bien ça. Je vous fais des petits tableaux avec des petits chiffres, là, pour ben que oui. vous puissiez vous retrouver si, admettons, vous perdez un lien. Un lien. Vous allez sur la page assemblagerequis.com, hein, oui. Sur Internet, là, pas Facebook, là, assemblagerequis.com. Ben, peut-être que Tania pourra mettre le lien vers l'émission d'aujourd'hui sur la page Facebook, pour ceux qui cherchent plus sur Facebook. Mais on a dans ta section de l'émission d'aujourd'hui, l'émission du 20 janvier, Google Globe, et puis les liens sont là-dedans. C'est bon, ça? L'émission 15 est déjà là. L'émission, la chronique 15, mais c'est l'émission numéro 924. Oui. 924. Ah, 924 que je fais. Non, que nous on fait. Et sachez que c'est une quotidienne, le chef monte vite. Ça a l'air beaucoup 924, mais c'est pas tant que ça non plus. Bon, bref. Oui. Lançons-nous. C'est quoi la question aujourd'hui? Est spéciale pas mal. Oui. Aujourd'hui, je vous ai fait un bonus. En fait, c'est une émission spéciale aujourd'hui. C'est une chronique spéciale. J'ai eu cette idée hier en montant chez moi, après être revenu en auto. Je me disais, ouais, j'ai plusieurs questions qui pourraient être posées, mais je sais pas comment je pourrais arranger pour que... On dirait Gab Béhoud. Ben, j'étais un peu dans ce feeling-là. Fait que je me suis dit, je pourrais être funny puis me faire quelque chose de spécial. Fait que j'ai fait ce que j'appelle un vrac. Un vrac TV, un vrac 2 ou, pour adultes? Ouais. T'écoutes pas TV, ben maintenant. Oui! Ah! Oh. Donc, j'ai posé plusieurs questions qui n'auraient pas leur place dans une chronique complète. Ah. Alors, plusieurs questions qui sont difficiles à trouver plusieurs résultats intéressants, si on veut. J'ai eu du fun, j'ai aimé ça. Alors, en fait, c'est une grosse question et c'est plein de sous-questions. OK. Alors, vous allez comprendre, je sais, c'est pas clair, mais à c'est voulu. Ouais, c'est n'importe quoi. Quand on ouvre le document, c'est full clair. Oui. Genre, okay. Fait que si vous êtes en auto puis que vous conduisez, arrêtez pour aller ouvrir le document. Donc, la question générale, c'est qu'est-ce qu'il y a en page 10, 20 et 30? De... Juste en général. Bon, en général. Okay. Ah, ben oui, ben c'est logique. Ben oui. Alors, je posais des questions à Google, comme je l'ai fait, comme d'habitude. Pour chaque question, j'ai trouvé trois liens. Idéalement, un lien qui vient de la page 10, un lien qui vient de la page 20 et un lien qui vient de la page 30. Ouais. De Google. Évidemment. C'est plus clair. T'iras pas sur Bing quand même. Non. Ouais. Non. On n'est pas sur Bing. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça, un sub? Donc, je suis vraiment allé avec plusieurs petites questions. Alors, j'en ai plusieurs. C'est plutôt étonnant. Je risque de le refaire. Alors, ben oui, c'est un petit principe. Principe le fun. Alors, je rappelle, c'est toujours dans les pages 10, 20 et 30. Je vais pas à 23. 32. C'est des affaires exactes. Oui, je prends pas, le chiffron. De toute façon, des fois, je n'étais pas capable de me rendre à 32. Fait que les résultats de recherche, on dirait que Google me disait « Wow, là, t'exagères. » Fait qu'il m'arrêtait avant. Mais là, mettons, la première question que tu as posée, qu'est-ce que c'était? La première question que j'ai posée, c'est une question qu'on se pose tous. Ah! Dans le studio, tous étant 1 sur 3. Ouais, c'est oui, ça. Oui, ben c'est quand même une bonne partie. Ben, c'est le tiers du monde. Ben oui. Ben oui, voilà, l'étude c'est a été faite. Fait que c'est une question qu'on. Ça nous intéresse tous, on veut tous savoir, mais bon. Arrive au but, Frédéric Bernard, arrête de glander. Non! Je suis curieux. Alors, la question c'est qui d'autre aime ma blonde? Ah, ben oui. Annabelle Deschênes Gagné. Oui, on en parle un peu partout. Sur le campus. Oui. Fait que je me suis posé cette question-là. Je pense que tout le monde qui a un conjoint, doit se poser la question. Oui. D'un coup, tu le sais pas, puis c'est Google qui te l'apprend, qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des yeux sur ta main. Hein? J'avoue. Puis quand tu tapes « Qui d'autre aime ma blonde », ça fait tout le temps référence à Annabelle Deschênes Gagné. Oui. Peu importe qui tu es. Peu importe. Ben, en fait, oui, c'est ça. Dans l'ordi de Frédéric Bernard, parce qu'il y a son historique de... Oui, c'est ça. Fait que si vous tapez, il va le détecter tout de suite. C'est fort, Google. C'est fort. C'est fort. Ils sont partout, là. Donc, j'ai posé la question « Qui d'autre aime ma blonde ?» Voir qu'est-ce qui allait sortir. Alors, j'ai vu... j'en ai ressorti trois. Vous allez voir que c'est pas toujours clair. Mais de la façon que ta question est posée, c'est pas nécessairement clair. Qui d'autre aime ma blonde? Est-ce que c'est qui d'autre est-ce que ma blonde aime? Ou qui d'autre aime ma blonde comme dans qui d'autre est en amour avec ta blonde? Ta question est floute un peu, je oui. trouve. Mais oui, moi, je la trouvais claire jusqu'à temps que lui la réfute. Mais oui. Moi, je suis quelqu'un qui suranalyse. Peut-être correct. Trop. Hey, yeah. Mais je sais pas, Google va me répondre. Ah bon, ah, voilà. T'as raison. Va me dire qu'est-ce que je voulais dire dans le fond. Did you mean? Alors, le premier lien que j'ai trouvé, c'est un lien, c'est plus ce genre de blog. Ouais, je pense que c'est un blog. Ouais, c'est ça, c'est plus un blog. Ça a l'air religieux. Ça, j'allais dire aussi. C'est un beau blog. Par contre, je dois avouer que je trouve c'est un beau blog. C'est épuré, c'est simple. Il y a des petites photos en haut, puis une annonce bien placée, puis une belle photo. C'est minimaliste. Oui. Alors, la personne dit qu'elle, sur son blog, fait un article sur le fait que ça fait plusieurs années qu'il est avec sa conjointe, là, sa femme. Là. Ouais. Tu penses c'est eux, sa photo? Non. Ok, parce que je trouvais qu'il ressemblait pas au petit gars dans le rond. Ben oui. C'est où dans la sitcom là, sur l'île de Milligan? C'est lui ça. Gilligan est mort en passant. Hein? Un autre. Oui, mais pas en deux. Spoiler alert. Pourquoi on m'annonce ça pendant que je parle d'amour là? Excusez. Ouais, moi j'ai lancé la bombe comme ça. Ben oui, je vais mettre ça dans un coin de mon cerveau, je vais réagir plus tard. C'est ça. On s'en reparle après. Bon, qu'est-ce qu'il a fait ce Brantley Milligan là? Donc, c'est ça, il nous fait un article vraiment sur les secrets pour rester en couple avec sa blonde. Donc, il nous donne 6 trucs pour rester avec longtemps. Alors, c'est des petits trucs quétaines comme qu'on les aime. Ah non. Ben oui, aller avec un chocolat chaud. Des petites guimauves. Ben oui, des petites guimauves. Alors, par exemple, premier truc, demandez-lui comment s'est passée sa journée avant de lui parler de la vôtre. Ouais. On oublie souvent ça. Ouais. On rentre comme un gros bourrin, on lance nos bottes, puis on dit « ma journée s'est passée, blablabla, je vais me coucher. Hein? » Un bourrin. Un ben bourrin, oui, moi aussi j'ai... Hein? C'est... Non? Ça sort d'où ça? Non, un bourrin, quelqu'un qui bourrine. Boursin, je pense, le fromage. Le petit fromage boursin. Ouais, les petits fromages boursin. Je suis sûr que ça existe. Faites une recherche. Avec deux R. Google. Mais je sais pas, ouais, je pense. Bourrin qui manque de finesse, un âne, cheval, personne manquant de finesse dans une activité. C'est pas ça, pantoute? Ben oui, c'est ça. Tu rentres, tu lances tes souliers, tu manques de finesse. Ok, peut-être. Ouais, je te le laisse. Un point. Un R ou deux R? J'ai mis deux R. Ben moi aussi, pourtant. Bon, donc, posez donc la question à Google, est-ce que le mot bourrin existe? On est des experts du Google, nous autres. Hein. Okay. Attention. Ah, c'est français! Ah ben! Cherchez bourrin! Ça dit bourrin de première. Ah ben, bourrin, espèce de bourrin de première. On va pas se mettre à faire du racisme de mots, là. Non, les mots que je veux, peu importe la langue qui existe, là. Attends, j'ai un site africain qui s'en vient. Eh boy. Le deuxième truc, remerciez-la sincèrement tous les jours de son travail pour la famille. Ben là, c'est là que je suis un petit peu embêté parce qu'on est juste deux. Ouais, c'est ça, on est comme deux. Mais des chats, des chiens. Mais j'ai un chat. Bon, mais remercie-la de l'avoir nourri. Ah, ben je te remercie. Mais si tu veux, je te donne un truc, fais-la à sa place, ça va encore plus aimer ça. je fais beaucoup de choses pour le chat. En tout cas. Comment je pourrais dire à Tania, merci Tania de mettre tes mains partout sur la mouche que les autres animateurs ont utilisé. C'est ça un peu dégueu. Ça fait plaisir. Avec du fromage à la crème dessus. Mais moi, non, correct, là, mes mains sont propres. Ah ben oui, il y en a un petit peu, tu m'en donnes. manifestez toujours votre satisfaction pour ce qu'elle fait pour vous, même si ce n'est pas parfait, entre parenthèses, selon vous. En tout cas, tu sais, je vous l'ai dit, c'était quétaine. Oui, vraiment. Ouais, ça, on dirait le sketch de Patrick Huard là, dans le temps. Tu sais, femme, ta gueule. Si quelque chose doit être fait et que vous êtes les deux fatigués, soyez celui qui se dévoue pour le faire. Nous, hey, c'est patriarcal, pas mal. Hey, soit son esclave. C'est ça. C'est mieux, ça fait changement des articles qui disent aux femmes, soyez la bonne femme parfaite, oui. Faites le ménage. Il y en a de moins en moins, ça. Oui, exactement. Complimentez-la régulièrement aussi par quoi il finissait. Mais tu sais, on... Il y a une deuxième page, hein, je sais pas si t'as vu. Oui, le numéro 6, mais j'ai pas le goût d'y aller d'un coup que ça bug. Mais si vous faites tout ça, là, attendez-vous à recevoir des questions. Là. Oui. C'est clair qu'elle va penser qu'il se passe de quoi. T'as quelque chose à te faire pardonner. Le numéro 6, c'est assurez-vous de passer suffisamment de temps avec vos enfants le soir, tu sais. Hey, là, ça, je suis... Y a-t-il un Shortland pour hommes? Ça serait un article parfait pour eux autres. Ben oui. Ouais. Je suis comme... en même temps, le dernier, je suis comme buggy. Ouais, J.K. Woman. Tu sais, quand on regarde la photo, il y a de l'air du petit gars parfait, ouais. Là, qui fait des trucs plates, là. Moi, je trouvais pas, mais un petit bon. Mouton, t'sais. Ben oui, il y a l'air d'un petit gars parfait. On est là pour juger Tania, libère. Ah oui, excusez-moi. Ouais, pour une fois qu'il y a quelqu'un autour de nous qui nous dit genre, allez, juge, elle va nous dire, arrête donc de juger. On se fait dire ça souvent par deux de nos collègues. Arrête donc de juger tout le monde. Non! Non! On est bon là-dedans. Page 20. De qui d'autre aime ma blonde? Hein, on est rendu là, page 20? Ouais. Oui, on est à la page 20. Connaissez-vous Aurel Saint? Non. Aurel Saint, en fait, c'est un rapport que je suivais quand j'étais en secondaire 3 ou 4. Okay. C'est un rappeur français. Hein, en secondaire 3 ou 4, il a l'air d'avoir 20 ans, ce gars. Non, mais là, oui, là, oui, 12 oui. Ans, sois généreux. Ouais, il était, mais il est plus vieux que moi. Il a 33 ans, il est plus. Ouais. C'est marqué. Tout le monde est plus vieux que toi, t'as 12 ans. On le dit tout le temps. Effectivement. Donc, oui, je le suivais quand j'étais en secondaire 3 ou 4, donc quand j'avais 7-8 ans. Alors, je le suivais, c'est un rappeur. Est-ce que tu viens de dire? Quand j'étais en secondaire 3 ou 4, quand j'avais 7-8 ans. Ouais. Ben oui, c'est ça. J'ai 12 ans présentement. C'est ça. OK. Il embarque dans le gars. C'est comme le Benjamin Button de... Benjamin Button. Sauf c'est que... pas ça, là, l'histoire de Benjamin Button. En français, Benjamin le boutonné. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, pas exactement ça l'histoire pour l'avoir, mais c'est pas grave, on va t'en revenir avec ça. Okay. Okay? On s'en jasera en même temps que Gilligan. Donc, RSA, il faisait beaucoup de rap assez trash. Alors, c'est du rap assez direct. C'est, vous donnez une idée, il faisait une chanson sur il appelait ça Entre bien et mal. C'était un rappeur qui faisait le bien, alors qu'il disait comment faire le bien pour s'émanciper. Et lui, il représentait le côté mal. Oh, le devant. Oh, oui. Et il vous représentait bien. Là, c'était pas c'est le fun de faire des petits coups une fois de temps en temps. Non, non, non, non. Vas-y, trahis, trompe. Laisse-toi aller. Ouais, tu si ça tente. C'était assez trash. Pour vous donner une idée, il faisait beaucoup de polémiques en France. Alors, c'était un rappeur qui était assez souvent dans les médias, mais pas pour le vanter nécessairement. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, je l'ai redécouvert avec cet article-là. Alors, c'est un article où on fait une entrevue avec lui. Alors, il a continué à faire du rap, mais maintenant, il a fait un film. Alors, il a réalisé un film. Il réalise une série télé. Il a l'air de s'être, si on veut, peut-être un peu assagi, peut-être un peu performé. Perfectionner son style. Okay. Juste vous avertir, il y a une voix assez spéciale. Ah, est-ce qu'il y a une entrevue vidéo ou audio? Non, mais je dis ça à cause de la musique, si vous décidez d'aller voir sa musique, parce qu'il continue faire quand même du rap, il continue d'en faire de la musique, mais son rap est assez... Il y a une voix d'enfant, mais qui dit des choses très, très trash. Ben, tu sais, il y a une nouvelle chanson qui vient de sortir de lui. Est-ce que tu veux qu'on écoute un petit extrait? Oui, mais j'avertis beaucoup, ne partez pas, j'ai conscience que ça, c'est bizarre pour les oreilles, peut-être. Okay, on va essayer ça pareil, moi, juste pour la fin. Un extrait. Oui. Au complet. C'est peut-être musical, ben, ben longtemps, c'est bon. La chanson s'appelle... Hier et demain sont la même journée, la boucle est bouclée. Rappelle-moi d'arrêter la musique avant d'aller me coucher. Je mets 6 mois pour écrire des couplets que personne va écouter. La seule personne qui crie mon nom, c'est mon père quand je suis bourré. Cigarette sur cigarette dans une bouteille sans fond, je fais pas de nouvelles chansons. On fait des tours de périph', des tours en ville, des tours à la Fnac, en bref on tourne en rond. J'attends un signe extraterrestre, j'attends qu'on vienne me dire toute ta vie n'est qu'un grand mensonge. Pendant que mon patron pousse à souiller tous mes principes, mais c'est mon job, je passe l'éponge. Et on se détruit la santé pour se sentir en vie. On dirait des comptines. Oui, oui, c'est vrai, mais là, on n'a pas pogné le meilleur bout. Ah, mais le refrain était bon, là. OK, mais attends, on va parler par-dessus du couplet, puis là, le refrain va arriver au meilleur moment, puis je vais pouvoir le remonter, ça va être comme de la bonne radio. Oui, ça, oui, oui. Ça, c'est une madame qui chante, pas lui. Ah, c'est pas lui. C'est sa mère. Quand tout devient sérieux, en partant, je le dis droit dans les yeux. Il y a un petit peu d'autotune dans sa voix, mais à peine. Mais non, c'est Diam, là. C'est quoi? C'est Diam, ça? Mais non, c'est sûr que non. J'ai comme... Wow! La chanson, c'est Casseur Flotteur. Non, oui. Ça, c'est son nom d'artiste, hein? C'est sûr? Non, il y a une chanson qui s'appelle Casseur... Ça se peut peut-être sur un groupe. Ah, c'est peut-être le nom du groupe. Bref, la chanson s'appelle J'essaie, c'est Orelsan featuring Janine. Ah, c'est Janine! Ben oui, sacré Janine. C'est l'ami à Diam. Et tout le temps, là, genre, on essaie d'enregistrer des chansons, elle arrive à s'auto-tune. Ah, c'est Janine. Et la coquine. Wow. Orelsan ou Orelsan, je sais pas trop quoi. Mais c'est ça, si vous entendez à un moment donné des passes, parce que là, il fait beaucoup de musique où il a de l'air de faire plus une balade que d'autres choses que du rap, mais lui, c'est un rappeur, je vous jure, c'est un rappeur. Et quand il rappe, ben, il a quasiment une voix très enfant, là, très enfant. Alors, vous pouvez imaginer cette voix-là, mais en rap. Alors, c'est spécial. Allez-y si ça vous intéresse. Finalement, pour terminer sur cette question, alors, qui d'autre aime ma blonde? Mm. Ouais, parce qu'il faut savoir que c'était ça, la question. Je suis tombé sur un article triste. Ben, je trouve pas... Ben, ça dépend. Ben, moi, je trouve juste ça le triste. Titre oui, est c'est louche. Mais quand je l'ai lu, j'ai fait... C'est triste. Si c'est une pingue, c'est troublant. Les gens veulent être partagés sur Facebook. Ils veulent devenir viral avec leurs annonces Kijiji. Depuis qu'il y en a eu une couple, là, depuis ce temps-là, je doute de la véracité de chacune des pubs sur Kijiji. Ils sont drôles. Oh, ok, c'est triste. Ok, lisez-le. Qui va la lire? Là? Je vais laisser Tania la lire parce qu'elle est déjà sur la page. Juste le titre. Je vous donne le titre. Dis-moi ce que t'en penses. Recherche femme bénévole pour divertir personne âgée. C'est Janine? Ah, oh, peut-être! Ben oui! C'est peut-être Janine. Il y a un petit peu de toutoune dans le bas de la page. Cherche femme bénévole. On tient à dire que c'est à temps partiel. Ah, OK. Et partiel! Comme des dents! Oui, mais c'est ça, personne. C'est drôle. Oui. Et voici l'annonce triste quand même. J'avoue, c'est triste. Je cherche une femme bénévole qui habite près du métro Côte-Vertu ou pas loin de Ville-Saint-Laurent à Montréal. J'ai besoin d'une dame qui aime la communication avec les personnes âgées et qui a le goût de faire la différence dans sa vie en la faisant jouer, chanter, rire et même danser sur sa petite chaise roulante. Je défraie les coûts de transport en commun pour venir 3 après-midi pendant la semaine, de 2h à 5h. Si vous avez de l'intérêt, écrivez-moi en toute confiance votre numéro de téléphone. Merci beaucoup. Ça a été possible le 19 janvier, hier? T'as fait ta recherche hier et c'est tombé dans les premiers résultats sur Google? Oui. 18 visites jusqu'à maintenant, c'est pas beaucoup, 18 visites. Non, mais... Mais hier, il y en avait 7. Hier, il y en avait 7. Ça a plus que doublé. Oh, oui. Mm-hmm. Est-ce que tu irais? 3 heures par jour, 3 fois par semaine. C'est quand même un contrat. C'est gros. Ouais, c'est quand beaucoup, même un contrat. On me, j'ai lu. c'est une passe de vie personnelle, là, mais bon. Non, mais tu sais, c'est le genre de contrat des fois que les. Tu m'en épaules? Non. C'est un peu de. Cette annonce, c'est moi. Il a l'air d'avoir 12 ans, mais comme c'est Benjamin Boutonné, il est rendu 82. Mais c'est ça, je lisais cet article-là, puis j'étais là, quand même, c'est. Plaque pas! C'est dur, tu sais, c'est... Non, mais je veux dire dans le sens que c'est un contrat. Tu sais, venir 3 après-midi, semaine, faut pas que tu travailles à temps plein. De 2 à 5, là, c'est juste avant l'heure du souper. Peut-être que c'est ça qu'elle veut, en fait. Attends, et c'est pas avant l'heure du souper, tu te rappelles que les personnes âgées, ça soupe à 4 heures l'après-midi. Fait que tu soupes avec. Probablement. Ben oui, faut que tu y fasses souper. C'est une pogne. C'est une pogne. T'es la deuxième personne en 2 jours qui nous vante son intérêt vraiment élevé pour les personnes âgées qui les prennent en pitié. On a quelqu'un d'autre au kiosque de C'est fou qui nous disait ça, les personnes âgées, ils les trouvent adorables. Est-ce que tu les trouves adorables? Parce qu'il disait qu'il fallait pas dire cute. Oui, c'est adorable. Adorable pour les personnes âgées. C'est des personnes qui sont vraiment sympathiques. Moi, c'est des personnes qui me font majoritairement rire. Bon, tu vois? C'est des personnes, mais je vais être tout à fait honnête. C'est des personnes que très, très personnellement, toi, Frédéric Bernard, me font beaucoup rire. Oui. Tu sais, en général, une personne âgée qui se prend pas au sérieux. Tu casses la hanche sur la glace. Ben oui. Hein? Non, pas dans ce sens-là. Mais des personnes. Je trouve ça très drôle, je trouve ça très sympathique. Mais quand son con, ça devrait être de con. Ah oui, c'est vrai. Il y en a qui sont vraiment pas fins, là. Il y en a. Racistes, qui pensent qu'ils ont toujours raison, qui sont condescendants, qui demandent du respect alors qu'ils en méritent pas, qui respectent personne eux-mêmes. Tu sais, genre. Mais ça, il y en a dans tout âge. Ouais, c'est ça. Oui, il y en a dans tout âge, mais je sais pas pourquoi. C'est peut-être la différence, tout. Mais je trouve vraiment qu'on dirait qu'avec l'âge, ils l'assument d'être. C'est vrai, hein? Parce que t'es encore à l'âge où quand il te voit, il te donne 20$ sans te serrer la main. C'est pour ça, ça me fâche. Ça doit être ça. C'est ça. Mais sinon, en général, la majorité du temps, ils me font beaucoup rire. Ouais. Fait que je les aime bien. Cool. J'aurais voulu travailler avec eux. Oui. Et à Saint-Laurent, dans la ville de Saint-Laurent, sur la boulevard de la Côte-Vertu, si vous voulez aller voir sur Kijiji. Prochaine question. Alors là, c'est la deuxième question. Oui, le deuxième tiers. Oui. Alors... une autre question qui serait pratique, hein? On aimerait avoir ça. On nous parle souvent de ça. Moi, dernièrement, j'avais... Je vais voir ce que c'est. On aimerait savoir ça. Attends, toi, tu parles du lien. Moi, je parle de la question. OK. Donc, moi, dernièrement, par exemple, j'avais le rhume. J'avais le rhume, mais en même temps, j'avais des allergies. J'aurais voulu avoir un médicament qui guérit tout. Donc, j'ai posé à Google la question, quel médicament guérit tout? Tout. Et la première réponse a été... Donc, syphilis, c'est une maladie qui se transmet sexuellement. Alors, c'est un lien que je vous mets. Je me dis, je me fais ma petite part, ça va être peut-être utile pour quelqu'un. C'était à la page 10, ça? C'était à la page 10, oui. C'est à la page 10. C'est un article qui explique bien. C'est bien, bien construit. Il n'y a pas de faute d'orthographe. J'ai cherché. Okay. Sur c'est quoi la syphilis? Puis tu sais, quand tu as une syphilis, le reste de tes problèmes finissent par être oublié un peu. Ben oui. Ouais. Fait que quel médicament guérit tout? Ben Google, paf, en pleine face. Syphilis. Ouais, syphilis. C'est Phyllis Diller, l'humoriste américaine, désolé. Non, personne ne comprend ça. Mais tu sais, le pas, c'est que il n'y a rien là, qui guérit la syphilis, je pense. Oui, ça se guérit bien, Oui, quand c'est quand guérit, oui, selon l'expérience personnelle. Non. Non, du tout. Il y en a eu une à Noël, il chantait « C'est Félix Navidad ». Oui. T'étais à la radio, ça se guérit comme ça, oui. Ça se guérit bien, tu sais, c'est fou. Tu t'ibères. Okay. Ouais, parce que si tu continues, tu donnes des boutons, fait que tu l'écoutes. Comme Benjamin. Comme Benjamin. Donc, ce petit article, je me dis, je vous mets ça tout à fait gratuitement. Hey, merci, hein? C'est un plaisir. Allez voir ça. C'est beau. Et prochain lien, connaissez-vous le Moringa? Une sorte de c'est pas une tarte. Danse. Ah non, ça, c'est le meringue. Ouais, puis c'est pas la tarte, c'est la meringue. C'est ça. Ouais. Oui. Alors, le Moringa, alors, c'est une plante qui existe dans le nord de l'Inde. Oui, et voilà. Oui. Alors, cette plante-là a de l'air assez fantastique. C'est un gros article. Alors, je vous avoue que oui, j'ai fait mon article au complet hier dans la journée. Je l'ai lu un peu en parallèle, mais j'ai pris le temps de vraiment lire la partie sur les hormones qu'on peut retrouver en bas de la page. Parce que cette plante-là aurait des vertus comme hormones, alors pour la croissance végétale, mais pas que. Alors, juste à l'intérieur de cet article-là, on parle que ça peut aider... Cette plante-là, qui a de l'air assez miraculeuse... On dirait un concombre pointu. Oui, oui. Cette plante-là peut aider pour la salubrité de l'eau, peut aider pour la croissance végétale, serait une huile excellente. Son fort potentiel... là, on parle de son fort potentiel de commercialisation pour aider l'Afrique, parce qu'on peut en trouver, ça a l'air dans le monde de l'Afrique. Ça a l'air d'être une plante qui a plusieurs vertus, plutôt intéressantes, autant au niveau... commercial qu'au niveau médical. Ouais. Est-ce qu'elle guérit la syphilis? Non, tu sais. Probablement. Oh! Tu t'en feras deux, trois parties. Moi, si j'avais la syphilis, je me poserais pas grand-chose. Une plante. Donc, ça a l'air d'être une plante assez... on dit que ses feuilles... Bon, on précise, il y a une phrase qui dit « Les adeptes croient que cette feuille guérirait plus de 300 maladies. Ah. » Oui. Alors, c'est la réponse à la question. Mais bon, on pourrait retrouver, entre autres, plusieurs bienfaits qu'on retrouve dans plusieurs aliments, mais là, en concentré. Ah! Ouais. Cool! Ça va sortir en capsule un jour, les petites capsules en fiole. Nice! C'est probablement déjà fait. Ouais, hein. Oui. Cool. Autre question? Oui? Troisième? T'aimes-tu ça, les animaux? J'adore les animaux! Toi, Tania? Nos amis, les animaux. Ah, ben elle oui. Pas les chats, Tania. Ouais, elle pas les chats. J'aime les animaux, j'aime pas les chats. Ah! Je suis allergique aux chats, je vous le dis moi à chaque aussi, semaine. Moi aussi, je suis allergique aux chats. C'est pas une raison, bâtard. Bon, fait que on aime tout j'aime ça. J'aime les vidéos de chats qui sont très drôles. Ceux où ils se plantent? Ceux où ils se plantent ou ceux où ils volent quelque chose. Ah, toi, tu ris des chats, Fred rit des personnes âgées qui se cassent une hanche. C'est la même chose. Personne âgée qui se casse une hanche avec un chat dans les bras. Ça, ça serait malade. Une personne âgée qui casse la hanche d'un chat. C'est fou l'affreux ce qu'on dit. Ça n'a pas de bon sens. Ah. C'est terrible. OK, mais oui, j'aime les animaux. Je vais aller à l'église tantôt. Tu vas aller à l'église, c'est fermé, c'est juste ouvert le dimanche. Non, je suis pogné avec mes... Mais comment? Oui, c'est quoi, alors si vous aimez les animaux, tout, moi aussi j'aime ça les en avoir, les aider, les guérir, tout ça. Les donc je me aussi. Suis demandé comment apprivoiser une étoile. Attends quoi? Pardon? Ben je m'étais dit au départ que je voulais apprivoiser un animal exotique. Finalement je me suis dit c'est donc bien poétique d'essayer d'apprivoiser une étoile. Oui. Fait que je me suis dit d'un coup que c'est faisable. Je ne peux pas te décrocher la lune. Mais en même temps, mais laisse-moi t'apprivoiser une étoile. Mais on donne des. C'est beau. Hein? Arrête, ouais. C'est beau. Les roses sont rouges. Et l'utiliser sur Annabelle. Hein? Donc, mettons, les étoiles ont des noms de certaines personnes. Je me dis peut-être que. Fait que tu voulais apprivoiser quelqu'un finalement. Donc, alors j'ai demandé à Google comment qu'on pouvait apprivoiser une étoile. Alors Google m'a donné comme premier lien un lien sur comment cultiver sa chance. Encore un truc blog. Ouais. Alors, c'est quelqu'un qui... Mais c'est bien c'est fait. C'est en mode, les blogs. Ça a l'air vraiment quétaine au début, mais c'est bien fait. Ça donne des vérités vraies. Et il a même mis des émoticons dans son texte. Oui. Ah, ça, c'est blog en tabarnouche. C'est très blog. Ça fait Skyrock. Oui. Ah, Paulina Bidugnis. T'en écris des drôles de choses. XOXO. Ouais. Donc, la personne explique finalement comment certaines personnes ont plus de chance que d'autres. Alors, certaines personnes ont plus de confiance. Le fait d'avoir plus de confiance, ça ferait attirer la chance. Ah, ça, j'aime ça. C'est pas de l'horoscope, donc je peux. Non, c'est ça. J'ai un proverbe pour vous. Ah, vas-y. Jette le chanceux dans la rivière, il en ressortira avec un poisson dans la bouche. Oh, wow, ok. Oh, je vous laisse méditer là-dessus. C'est comme donc de te servir d'un homme comme à pas, finalement. Ben, c'est... Non, j'ai comme l'impression que c'est... ceux que tu t'attends moins vont ressortir les vainqueurs, non? Bon, c'était pas assez clair, fait que je donne le point à Mathieu. Ah, merci. Okay. C'est bon de bord. Donc, c'est un petit article. C'est un petit article. C'est un article assez long. Ouais, mettons, hein. C'est un petit article. Oui, mais il y a des explications dans le bol. Il y a des points, il y a des bullet points. Oui, il y a des points. Fait que des gens qui voudraient voir justement comment attirer la chance sur eux. En fait, c'est plus au niveau de l'attitude en général en soi pour attirer la chance. Les maudits français qui mettent les noms de famille en majuscules, ça m'énerve. Oui. Ouais. Ouais. Je fais beaucoup de recherches sur la France. Fait que je pense que c'est ça que c'est, ça fait que ça ressort ça beaucoup. Peut, je pense hein. que ça ressort oui. énormément à cause de ça. Ouais. Mais c'est pas grave, il y a Cathy Ève qui va venir balancer ça. La première chronique que t'as manqué, la première de la saison, on attendait Cathy Ève, ben, ouais. Je sais, c'est de sa faute. C'est pas vu. C'est elle de prévoir quand je serai pas là. Voilà. Faudrait qu'elle ait une chronique de prête en tout temps. Ouais. Toujours. Comment se préparer pour une éventualité? Oui. C'est pas ça sa question. Connaissez-vous le magazine Voir? Oui. Oui, oui. Le journal, anciennement Journal Voir, maintenant magazine Voir. Oui. Oui. Oui. Alors, Voir nous fait découvrir Charles Dubé. Connaissez-vous Charles Dubé? Non. Ma blonde connaissait. Elle connaissait des. J'ai fait jouer une chanson chez nous pour essayer de savoir c'était qui. Et ma blonde me dit: ah ouais, on joue cette toune-là à Grenouille. C'est quoi? À travers la Grenouille. Hein? À travers la Grenouille? Non, c'est juste qu'elle s'est dit quand que je fréquentais ce genre de tune qu'on ferait passer à la grenouille avec un chansonnier. C'est quoi la chanson? Que, je me rappelle plus, c'est une vieille tune. Va sur YouTube, c'est une vieille tune. J'ai tapé au hasard pour essayer d'entendre, voir si je le reconnaissais. Et il a fait 3 albums, son dernier en 2011. Il a quand même travaillé avec des gros noms. Il a fait la première partie de Jorance Jalbert. Il a travaillé avec un des gars qui travaillait avec Jean Leloup. Ouais, il y a plusieurs liens là-dedans. il a été approché par Stéphie Choc, qui a été approché par Daniel Bélanger. Donc, quand même. Ouais, c'est ça. Il a gagné plusieurs prix, mais son nom ne disait vraiment absolument rien. Et c'est quoi son lien avec les étoiles? Ouais. C'est le titre, La lumeur d'étoiles. Okay. Ah, okay. Et t'as vu que c'est un article qui date de 2004? Oui, c'est un vieil article. C'est vraiment un vieil article. Vraiment? Oui, en fait, c'est vraiment... Il venait de sortir son premier album. Il commençait à être approché par des artistes. Le poète thérapeute. Wow. Oui, parce qu'il était, on dit pédopsychiatre, je crois, alors pour les enfants. Alors, okay. Il était psychologue, mais pour les enfants. Ouais. C'est là que ça sort, pédo? Ben, je sais pas, il me semble que c'était ça. C'est un début de mot, c'est un préfixe, c'est-à-dire on peut utiliser à plein de choses. Non, mais ça veut dire quoi? Ah, ben là, ça doit être jeunesse. Cherchez ça. Moi, je vais parler de l'autre que je suis capable de parler sans checker lien. Attends un peu, j'ai déjà la réponse. Ah, bon. C'est du grec ancien pédon, qui veut dire seul, ou du grec ancien pais, qui veut dire enfant, tout simplement. Ah, voilà. Donc, ça a relation soit avec le sol, comme dans le pédoclimat, ou la pédogenèse, ou les enfants avec la pédologie, pédologue. Voilà, c'est pédologue. Pour ça, c'est parce que ça veut dire enfant en latin. Voilà. Ils nous le disent pas ça dans le dictionnaire, hein, puis quand ils créent trop quelqu'un de pédophile. Pas mal sûr qu'ils disent, sûrement. Ouais, lire le dictionnaire. Prochain lien. On voulait pas t'humilier, non? Non, cherchez d'autres choses, parce que, en tout cas, mon questionnement est parti de notre père. D'accord. Donc, le prochain lien, en fait, que je vous donne pour comment apprivoiser une étoile, ben finalement, on n'aura aucune idée. C'est un autre blog, encore un blog, qui nous parle d'avoir un lapin. je vous le dis, OK? Je l'ai lu. Quelques connaissances là-dedans. T'as déjà eu un lapin? Non, je suis pas un expert de lapin. Il étudie en zouzou. J'étudie en zouzou. je sais un peu les animaux et je peux dire que cet article-là, ben, il vous donne pas mal la base. Ouais, hein, c'est vraiment. C'est pas avancé, Genre, un lapin, ben, ça a des grandes oreilles. Faut le cajoler. Mon Dieu, faut le flatter. Okay, oui. Ça mange, faut ramasser les crottes. Ben oui, c'est ça. Ça mange. Alors, je peux vous donner un fait cocasse sur un lapin. Ouais, voici. Si y a de quoi, suivez une connaissance à moi sur Facebook. Elle a un lapin, puis elle en connaît beaucoup. OK. Ah ouais, cool, demandez-moi si jamais vous voulez des conseils, je vous donnerai son nom. Moi, vous allez surtout avoir des photos. Écrivez-moi sur Assemblage Ricky. Moi, je m'excuse, mais un lapin, j'aurais jamais ça. Ça a l'air vraiment plate. Ça fait plate, des crottes partout. Ça a de l'air plate, là. Ouais, ouais, ça puis plate, ça fait tout là. Un... Ben oui, ça fait ça. Moi, ça serait un cochon d'Inde. Ah ouais, ben c'est pas mieux, ça fait... Ben oui, c'est drôle, mais ça, c'est quand tu sors une carotte, avec oui, oui. En tout cas, c'est drôle. Hey, les sujets sont noirs aujourd'hui. Donc... Attention, trompe-toi pas de carotte! Tania! Veux-tu aller consulter pour ça? Je pense que c'est un problème. Donc, le lapin. C'est à cause de tes jokes de mon oncle de tantôt. Toujours le blâme sur Monsieur Plante. Alors, c'est ça. Alors, je vous donne un article sur le lapin, alors, en général. Cool, lapin dans le monde. Lapin dans le monde. Il nous reste d'autres questions encore. Je pense qu'il nous en reste deux. Oui, je vais y aller très rapidement pour l'autre parce que c'est vrai que j'ai pas grand chose. Connaissez Jean-Philippe Vautier? Je pense que j'ai mal écrit son nom en plus. C'est pas un humoriste, ça, Jean-Philippe Vautier? C'est le gars de la soirée, est encore jeune. On en a parlé avec Sébastien tantôt. Et voilà le lien. C'est parce que je savais que Sébastien allait en parler. c'est parce que Jean-Philippe Vautier, c'est l'animateur de la soirée, est encore jeune, des dieux de la danse. Ah, et, il est cute, lui. Oui, Taya, oui. Souvent reconnu pour sa coupe de cheveux. Bref, c'est quelqu'un. Aussi. C'est un animateur que j'apprécie beaucoup. Oui. Moi, je l'aime beaucoup, il me fait beaucoup rire. J'aime beaucoup ce qu'il fait en général. Comme le Mathieu Plante de Radio-Canada. Après l'avoir googlé, je l'apprécie beaucoup aussi. C'est ça. Donc, j'ai écrit dans Google « Comment devenir les meilleurs amis de Jean-Philippe Vautier » parce que je vous ai inclus. Ah, merci! Ah, merci! Hein? Je vais suivre les, fait que, les comment... étapes à la lettre. J'aime. Voilà. Alors, puis je sais pas si c'est un signe, le lien que j'ai trouvé qui était le plus intéressant, c'est un lien sur une prière dans les cas désespérés. Prière à Saint-Jude, patron des cas désespérés. Oui. Sur c'est méchant. Au cœur de ton âme, point E, trait d'union, monsite.com. Ça a l'air récent, ça, comme page. Fait que, ben oui. Fait que pour me consoler, ben, j'ai été sur le site d'archives de l'Outaouais. Pour avoir des formations dans les arts. À la page 20 de Google, quand tu poses la question. À la page 20 de Google. C'est incroyable. Où est l'argent facile? OK. Où est c'est l'autre question. Sur Internet? Oui, c'est ça. C'est, on a plusieurs. Oui, c'est sur Internet. En fait, je vous mets un premier lien sur The Witcher. Connaissez-vous le jeu de The Witcher? Non. The Witcher, c'est un jeu qui est très, très, très prisé en ce moment. Un jeu vidéo. Beaucoup de prix. C'est un jeu vidéo qu'on peut retrouver sur PlayStation, sur PC. On peut le retrouver sur Xbox. C'est un jeu très primé. C'est le 3. Le premier et le deuxième ont fait aussi le buzz et ont été aussi très récompensés, ce qui est quand même rare. Ah, ouais? Rare qu'un jeu trois fois de suite soit autant récompensé que le troisième soit plus récompensé que les autres encore. Et soit plus connu même. C'est un petit studio polonais qui faisait ça, qui a parti ça. Alors, The Witcher, je connais ça parce que c'est pour vrai, je trouve que ce petit studio-là, ça représente ce que les jeux ont. Mon côté gamer, je trouve que ça représente ce que les jeux devraient être maintenant. Alors, des jeux travaillés, des jeux qui prennent pas les joueurs pour des nonos, pour des personnes simplets, alors qu'ils sont capables d'apprendre un jeu, d'apprivoiser un jeu. Je peux-tu faire une parenthèse sur les jeux vidéo? Oui. Sérieusement, il y a des jeux vidéo qui sont censés être vraiment très faciles et qui ne le sont pas. OK, hein? Comme? Là, ici, je fais référence à un jeu pour enfants de 3 à 12 ans. Oui. J'ai jamais réussi à passer le Moses de niveau. C'était quoi? What? Jurassic Park Lego. Ah, OK, OK. J'ai gardé mon neveu, il était pas capable de passer le niveau. Là, il me dit « Aide-moi, le jeu! » 8-12 ans. C'est ça. C'est de la petite bière. Mais c'est que les jeunes commencent à jouer de plus en plus jeunes, donc les jeux sont de plus en plus difficiles, même pour les enfants. Mais les Lego, c'est pas dans les plus difficiles. Hey, je vous jure, je comprenais rien. Mais des jeux à objectifs, c'est parce que faudrait que tu ailles voir les objectifs, peut-être. C'est ça? Il y a sûrement un tableau d'objectifs. Mais c'est vrai que le dernier, en tout cas, on s'en sort pas ça. Mais en tout cas, les jeux Lego représentent un peu le côté marketing du jeu vidéo. Comme je vous disais, The Witcher, eux, tout le long, ont vraiment appris. Et il y a une énorme différence entre chaque jeu. Les jeux Lego, ben, je pense que t'as Lego Batman maintenant, t'as Lego. Fait que ça se peut qu'ils soient tout simplement perdus parce que t'as pogné pas mal un des derniers. C'est plus récent? Il me semble de mémoire que c'est un des plus récents. Ils disent rien, là, ils font juste dropper le petit bonhomme en plein milieu de la forêt. C'est sûrement un écran, genre si tu fais Star, tu dois avoir des objectifs à accomplir. Le Star Wars était plus le fun. Ouais, c'est ça, tout le monde parle de celui-là, Star Wars. Pour se résumer la trilogie d'origine, à la place de regarder les films, il y en a qui disent j'ai joué à Lego Star Wars. Oui, c'était très plaisant. Ouais. C'était très le fun. C'est cool. Au lieu de regarder les films. Oui, ben parce que ça résume l'histoire des films, dans le fond. Ah, OK. L'argent sur Internet, alors c'est un site qui vous donne des conseils sur... 103 conseils. 103! 103! 103 conseils! Qu'il y a ce temps-là dans la vie, voyons. Que j'aurais aimé qu'on me donne quand j'ai débuté sur Internet. Je trouve ça intéressant parce qu'il parle, entre autres, des gens qui font de l'argent avec YouTube. Alors, c'est un gros article. Alors, qu'il parle... J'ai lu ça, j'ai fait « Ah, c'est intéressant, j'ai mis ça. » Bonne idée. Et réponds-tu aux questions au moins? Oui, OK. Oui. 103 fois. Oui, alors... il met un des youtubeurs que je suis beaucoup, Chris, un youtubeur un peu spécial, je le recommande pas pour tout le monde, qui parle entre autres des 20 salaires de youtubeurs célèbres. Hmm. Ouais. C'est assez astronomique ce qu'un youtubeur peut aller chercher en or. Ouais, ouais. C'est assez fou, mais compliqué. La preuve, sans trois conseils. Les gens sont jaloux de ça, de nos jours. Oui, ben oui, mais ils travaillent fort pour ça, ben, aussi. Même s'ils travaillent moins fort que d'autres, toi, tu le fais-tu? Non, fait que... Ben, je veux dire, pour trouver l'idée, réussir à se renouveler et réussir à garder le même potentiel à chaque fois, faut que tu sois fort et que tu aies un certain talent. Alors, je pense que ce n'est pas de l'argent volé, contrairement à beaucoup. Il y en a qui postent à chaque jour. Oui, puis plusieurs fois par jour. Oui, oui, tu n'as pas le choix quand tu es YouTuber, sinon tu perds ta crédibilité et tu tombes dans l'oubli. Faut que tu cherches à te renouveler. Il faut que tu aies un côté, c'est très sérieux quand le même. Montage non, mais là, c'est rendu aussi sur Instagram. Des Instagrammers. Qui appelle ça. Oui. Des 15 secondes. Ah, ouais. C'est il va par les photos. Ah, par les photos, je pense que c'est des vidéos de 15 secondes. Non, des photos. Eh ben. Ah, ben, coudon. Tu sais comment tu fais de l'argent là-dessus, parce qu'il n'y a pas de... Pas vraiment c'est plus t'as de likes, plus que les gens t'approchent pour faire des photos avec les produits. Ah, je vois. Oui, t'as des partenariats avec L'Oréal et d'autres. Exactement. Je comprends. Je vais sauter le dernier parce que ça parle d'économie, puis j'ai vraiment pas trop compris l'article, mais je l'ai mis là, ça avait de l'air important. Le monsieur a l'air d'une personne importante. Fait que ça avait de l'air d'une monsieur qui me disait fais attention à ton portefeuille. Oui, fais attention. En fait, en résumé, la Fed, qui a l'air d'être une fédération économique américaine, a décidé de changer de stratégie pour faire de l'argent. J'en dis pas plus parce que je connais pas ça. Donc, si quelqu'un connaît ça, textez-nous. Ah oui. C'est sur Ben Bernanke. Là. C'est un truc vraiment plate, en fait. Ah. Oui. Et pour finir, je vais finir là-dessus. Je vais juste vous dire la dernière question. Si ça vous intéresse, je vais vous parler du premier lien. Il est quand même vraiment intéressant. La question est pas là. Alors, non, j'ai pas vu la question. Je pense qu'il y a eu une erreur. J'ai oublié de taper la question. Mais surtout avec les choix de réponse c'est ça. Tant, on est comme... Bon, essayez de deviner c'était quoi la question. Okay. Juste avec les trois, on va faire ça comme ça pour parler des trois liens. Vous allez dire les trois liens rapidement. Okay. Les réponses sont, Tania, aménager sous le lit. Sexe. Et raclette. Recette. Alors, un article qui montre comment bien aménager son lit. Alors, comment bien aménager sous le lit. Un autre article qui parle de ce que les hommes font de mal au lit. Alors, qu'est-ce que ce n'est pas correct qu'ils fassent quand ils sortent au lit? On a des images en plus, c'est super savoureux. puis on a une recette d'un truc, le fun. Une mousse de banane confit de rhubarbe. Oui, c'est bon, ça a l'air bon. Ouais, vraiment. Donc, la question étant... Ou un sujet, le sujet, qu'est-ce que le sujet principal de la question, c'était... Quelque chose qui est bon dans la bouche. Non. comment devenir pro? Non, non plus. Dernière chance pour chaque. Plaire à... Non, je sais pas. Être bon. Non, c'est drôle que ça tourne autour de ça. Non, j'ai demandé à Google qu'est-ce qui se cache sous mon lit. Ah? Ouais. Ah, ça y a été avec le mot. Oui. Pourquoi recette? La recette, c'est parce que dans la recette, ils disent coulis de rhubarbe sur lit de fraises. Sur lit de fraises. Je pense quelque chose du genre, là, où c'est fraises. En tout cas, c'est l'inverse. Ça explique. Voilà. Je tiens juste à dire que sur le lien sexe du blog Art de séduire, il y a des petits gifs qui sont vraiment très troublants. Très troublants. OK. Très troublants. Ben, en effet, allez voir ça à la page sur assemblagerequis.com dans les notes de l'émission du 20 janvier 2016. Tout va être là, tous les liens de cette chronique Google Globe. Frédéric Bernard, merci. On te retrouve les lundis soirs à 20h à la Chasse-Galerie pour un autre match de la Luitre. Cette semaine, il n'y en a pas. On fait la semaine prochaine, mais bon. Ça va être jeudi à 16h au 10-12 à la place. Mais mardi prochain, il y a un spectacle spécial pour la LIM, une autre ligue pour laquelle je joue. Si vous vous ennuyez de la Luitre, vous pouvez toujours aller les voir. C'est beaucoup d'anciens de la Luitre, entre autres. On va être au temps d'une pinte pour un match spécial. Royal Rumble. Un match spécial, j'en dis pas plus, venez voir ça, c'est toujours vraiment, vraiment très prisé au temps d'une pinte. Et ça, c'est le 26 janvier mardi, à 20h, temps d'une pinte, alors que le match de la lutte que j'avais dit, c'était le 28 janvier prochain, à 16h, au 10-12, soyez-y, merci Fred. Fait plaisir. Tania, t'as trouvé un gif animé sur la page, quoi? Ah, j'en ai plein! oui, allez le voir, on en parlera. Ça se raconte mal à la radio, On va prendre une petite pause musicale avant de terminer l'émission. On écoute une nouvelle entrée d'Ariane Sita. On l'a entendu pour la première fois par Palmarès Fou récemment, hier. Oui. Donc, la voici avec Émile Néligan, tout de suite sur C'est Fou. 81 FM. À la pièce Émile Néligan à Assemblage Requis. C'est là-dessus que se termine notre émission. Ça se peut-tu pareil, hein? Hey, hein? On a-tu eu du fun? Je pense que oui. On remercie Frédéric Bernard pour sa chronique Google Globe, ainsi que Sébastien Guertin pour son bulletin Guertin. Sinon, demain à l'émission, soyez avec nous parce qu'on va être jeudi et on va avoir une grosse pointe adresse, notre classique du jeudi. C'est pas mal tout ce qu'on a demain. Donc, soyez avec nous pour ça, entre 6h30 et 9h30. Sur nos ondes, plus tard aujourd'hui, on a bien sûr le dîner de con avec Danny Janvier. Ensuite, en après-midi, on aura le Mathieu Planchon. Je vais être de retour pour le Mathieu Planchon avec Mathieu Planche à 15h. Ensuite, à 17h, l'émission de musique électronique audiomatique. Et puis, à 20h, c'est Radio Sonic et l'émission de musique variée. CIF.ca pour la programmation complète. Assemblagehockey.com pour les notes de l'émission Les Balados Diffusion. Je veux juste rappeler aussi que ce soir, il y a la première game d'hockey des Patriotes à l'extérieur, mais étant local, donc c'est-à-dire à Drummondville. Oui. Et si jamais ça vous intéresse, allez faire un tour sur la page Facebook des Patriotes de l'UQTR parce qu'il y a un autobus qui part du CAPS ici. Si je me souviens bien, c'est à 17h pour vous rendre à Drummondville. Allez voir la game gratuitement avec votre carte étudiante. Génial, merci Tania Baudin. Ça fait plaisir, Mathieu Plante. On se quitte avec notre Paper Kite, c'est Renegade. À demain, bonne à journée. À demain. Said I didn't look like I just a look, and man, I do not know your face. And I woke to discover that the thing that you said were true to me. So I stepped down the figure in the bathroom mirror, took the razor in my hand. I could draw a line or I could cut my hair, but it don't change the way I am. Cause I'm a part of the world I live in now, only set it. Part of the evolving age, but I heard